CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. C'est notre dernière émission avant un long congé d'un mois presque mérité. On va fêter le Canada avec une liste d'inventions et de bouffe surprenamment canadienne, en plus de nos chroniques habituelles dont C'est un fait et le bug pub. Assemblage Requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 30 juillet 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Je vais être seul avec vous pour les trois prochaines heures. Et c'est la dernière fois pour un bon bout qu'on va être seul ensemble. Donc on va en profiter pour faire des affaires qu'on voulait faire depuis longtemps ensemble, vous et moi. C'est-à-dire écouler le stock de matériel que j'ai accumulé depuis les dernières semaines et que j'ai pas eu le temps de faire. Je vais être absent en juillet. Je prends congé. Je l'ai dit quelques fois déjà, mais pour ceux qui ne savaient pas encore, pendant le mois de juillet, ça va être des reprises. De la fin du mois de mai, début du mois de juin. Donc ça devrait pas trop paraître, honnêtement, hein, si vous écoutez. Là. Ça va pas mal avoir l'air de ce que ça a déjà l'air. Mais bon. Donc voilà pour le mois de juillet, mais c'est la dernière aujourd'hui, donc on se dépêche à faire tout le contenu qu'on a besoin de faire avant de partir pour vraiment en prendre une dernière pour la route si on veut. On va faire C'est un fait, la chronique de choses véridiques, véritables et vérifiables en début d'émission, bien sûr. Ensuite, le bloc pub qu'on a ramené la semaine passée. Il nous reste à peu près la moitié, donc l'équivalent de ce qu'on a fait la semaine passée, un paquet de bonnes choses de marketing. Ensuite de ça, on va faire 5 minutes, ça devrait répondre là. Donc, des gadgets inutiles à se procurer sur Internet. Je suis en train de regarder ça en ce moment, puis il y en a des pas pris. Il y en a des pas pris, ouais. Ensuite, Kinky Sexy Time, le puzzle du hasard, son foutu palmarès et les esprits d'assemblage. Tout ça d'ici la fin de l'émission. Que des chroniques, presque pas de musique comme on le fait. Parce que, Colin, la musique, c'est bien beau, là, mais il y en a partout à la radio tout le temps, là, hein, tu sais. Donc, C'est un fait va commencer dans quelques instants. Avant ça, par contre, si vous avez écouté les palmarès C'est fou cette semaine, c'était l'édition anglo. Et puis, Colin, on n'a pas eu le temps de jouer grand-chose parce que les tunes, les chansons étaient très, très longues. Donc, on va rester un petit peu en anglo pour l'instant. On va y aller avec les deux nouvelles entrées de la semaine passée. Donc, ils ont eu juste une rotation jusqu'à maintenant dans les palmarès C'est fou. Donc, on va les entendre pour les encourager dans leur excellent travail. On va entendre donc les positions numéro 8 et 7 du côté anglophone. En 8e place, en 7e plutôt, Bri Webb avec AM Blues qui monte de la 20e. Mais avant ça, tout de suite, voici Owen Pallett et Song for 5 and 6. Tout de suite, à Assemblage Requis sur C'est fou. 89 FM. Stenciling your diagrams of trilogies and pyramids on the face of the infinite. Sing about a poetess, hyacinth around her feet, that it will never come again is what makes our life so sweet. Do you agree? Yeah. like a blister on the soul. Oh, the body will heal anyhow. The body gradually transform, lose its features one by one, until it is as beautiful as the wind before the storm. Do you agree? Do you agree? Owen Pallett et Song for 5 and 6 en 8e position du palmarès anglophone de C'est fou. On entendra tantôt Bry Webb, son compagnon, nouvelle entrée de la semaine passée. Mais avant ça, on est rendu à C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Ah, oh, c'est un fait, là, des choses véritables et vérifiables. La honte me prend à chaque fois. Des fois, je suis à la maison, puis là, je me chante cette chanson-là, puis je me dis, ah, oh, con, je devrais la pratiquer, tu sais. La préenregistrer avec de l'autotune, quelque chose. Donc, commençons avec une rafale de faits. En moyenne, les gens qui utilisent des technologies, des produits, des gadgets ont 2,9 appareils sur eux en tout temps. 2,9, ça veut dire iPhone, iPad, portable. Mais évidemment, c'est une moyenne, donc on n'a quand même pas coupé un gadget en différents morceaux. 2,9, c'est possible. En moyenne, une personne de 21 ans a envoyé 250 000 courriels, messages instantanés et messages textes et a passé plus de 10 000 heures sur un téléphone mobile jusqu'à maintenant. Hein? 10 000 heures sur son téléphone cellulaire. L'enfant d'un ours grizzly, on change de domaine complètement, d'un ours grizzly et d'un ours polaire, c'est un Pizzly Bear en anglais. Pizzly. Grizzly, polar, polar, grizzly. Je sais pas, moi, l'autre, l'inverse aurait pu être un Grizzler Bear. Moi, j'aurais trouvé ça plus beau un Grizzler qu'un Pizzly. Pizzly, je sais pas, ça fait enfantin un petit peu. Si tu empilais tous les œufs à la crème de Cadbury, tu sais, les petits œufs de Pâques, un par-dessus l'autre, la pile ferait 10 fois la hauteur du Mont Everest. Ça, c'est seulement les œufs à la crème faits en une année. En une année, l'un sur l'autre. Ça dit pas dans quel sens il faudrait les mettre, par contre. Je sais pas si ça tiendrait dans aucun de ces sens-là. On retourne en technologie. 90% des messages textes sont lus à l'intérieur de 3 minutes après leur livraison. Donc, si vous avez une réponse après les 3 minutes, ben, c'est que la personne l'a sûrement vu et a remis ça plus tard. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, quand je reçois un message texte. Je le vois sur mon poignet, montre intelligente et tout. Je fais comme « Ah, oh, ben, ben, ben! » Tantôt. Je vais répondre tantôt. Pour ce tour, j'ai le temps, je vais aller tout de suite répondre. Mais ce que ça fait au moins, c'est que ça laisse un petit 1 dans un cercle rouge sur mon téléphone pour me rappeler de le faire. C'est ça l'important. Faut jamais l'ouvrir, le message. Un peu comme sur Facebook. Si tu l'ouvres, les gens voient que tu l'as lu. T'sais. Si tu téléphones de l'heure, c'est pas encore rendu là, au moins. Une chance. J'espère que ce sera jamais non plus. Les femmes qui ont plus de 30 ans ont tendance à prendre du poids après leur mariage. Alors que les hommes qui ont plus de 30 ans, eux prennent du poids, surtout après le divorce. C'est prouvé selon une étude, les femmes qui ont plus de 30 ans gagnent du poids après le mariage, les hommes après le divorce. Un mot à deviner, qu'est-ce que Physigunkus? F-Y-S-I-G-U-N-K-U-S, Physigunkus. 3, 2, 1, non? Plus de temps pour vous. C'est quelqu'un qui n'a aucune curiosité. Hein? Donc le contraire de vous et moi. Là, on a de la curiosité qui nous sort les fesses. Physigunkus. Le venin du King Cobra, c'est une sorte de serpent, de cobra, est tellement mortel que juste une gramme de son venin est assez pour tuer une personne 150 fois. Ou une autre façon de voir ça, 150 personnes différentes. Mais bon. Avec une seule gramme. Un seul gramme, hein, c'est masculin. Il me semble, en tout cas. Lorsque le ski-ball, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est ski-ball? Je vous pose des questions sans cesse et vous répondez dans votre voiture ou peu importe. Ski-ball, c'est la balle que tu lances sur une surface horizontale et il y a des cerceaux à la fin, des genres de réceptacles en cerceaux. On voit ça souvent dans les foires. On lance ça, puis c'est tellement arrangé, l'angle est tellement mauvais que tu peux quasiment pas gagner. Donc, le ski-ball, quand ça a été inventé, les allées faisaient 36 pieds de long. 36 pieds! Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui pouvait rouler leur balle jusque-là. Donc, ils ont raccourci ça à 14 pieds. Et c'est ce qu'on connaît comme formule de ski-ball et qu'on retrouve, entre autres, à l'Expo de Trois-Rivières. Vous savez de quoi je parle, j'espère. La NFL. Je me suis posé la question en lisant ce fait-là et en lisant à chaque fois que je lis le nom de la NFL, je me demande pourquoi, tu sais, la Ligue de hockey, c'est la NHL, c'est la LNH en français, t'sais. Et la NFL, on dit jamais la LNF, Ligue nationale de football. Mais bon, c'est une anecdote comme ça. Donc, la NFL estime qu'il y a plus de 100 enfants qui sont conçus à chaque année lors des tailgate parties dans le stationnement du Super Bowl, là où le Super Bowl a lieu. On les félicite. Je sais pas s'ils s'appellent tous, je sais pas, le nom d'un joueur de football. C'est le nom du coach, je sais pas trop quoi. Ou Gatorade. En Arménie, l'échec est obligatoire. Pas l'échec comme j'ai un F à mon examen, un échec. L'échec, le jeu. Hein? Ou le sport, certains diraient. Donc, les échecs sont obligatoires. Ça fait partie du curriculum de l'école. Donc, si vous aimez pas les échecs, ben c'est bien dommage pour vous. Hein? Bon... est-ce qu'on change de sujet? Je crois que oui. On y va avec les animaux un peu, tiens. Il y a plus d'animaux exotiques qui vivent dans les maisons américaines que les zoos américains. Et là, évidemment, la définition d'exotique, peut-être un petit peu plus, un petit peu flou, et peut-être pas mal de choses qui sont considérées exotiques qui n'ont pas l'air tant exotiques que ça. Disney a été poursuivi par un biologiste pour diffamation à cause de la façon qu'on a montré les hyènes. Les hyènes, voilà, dans le film Le Roi Lion. C'était un portrait négatif de ces animaux-là, et donc un biologiste les a poursuivis pour diffamation de leur personne, si on veut. Un autre mot à deviner, c'est un mot en tagalog, G-I-G-I-L, Gigil ou Gigil. Hein? Non. C'est quand tu dois absolument pincer quelque chose que tu trouves insupportablement cute. Mignon, il faut absolument que tu... Tu sais, mettons un chat, là, quand tu le vois, tu t'approches de lui et tu fais ça, c'est Gigil, c'est en tagalog. Parlant de Gigil, ça me rappelle, tu sais, le restaurant, là, tu sais, Trois-Rivières, là, Trois-Rivières-Ouest, là, Jack and Jill, hein? J'ai entendu dire qu'elle allait ouvrir... Ça, c'est une blague que j'avais préparée pour la faire avec quelqu'un en nombre, mais je vais la faire de ça. Tu sais, le bar, le tu sais, Jack and Jill, il pense ouvrir un bar gay, hein, ils vont appeler ça Jacques et Gilles. Jacques et Gilles, non? Ça a été pas mal plus droit qu'un public, ça. Ensuite, en coréen, ouais, aucune réaction, hein. Les oiseaux, par contre, aiment bien ça. En coréen, KKK. KKK, on connaît les initiales du Ku Klux Klan, entre autres, KKK. En coréen, ça veut dire LOL, mort de rire. Donc, leur KKK n'est pas le même que le nôtre. Je sais pas si quand ils tapent KKK sur Google, genre, ils cherchent des sites drôles, je pense qu'ils tombent sur des choses qu'ils aiment peut-être pas voir. L'acteur Matthew McConaughey, ou comme certains l'appellent au Québec pour pouvoir le comprendre, Matthew McConaughey, des fois, doit arrêter de manger parce qu'il dit qu'il est sexuellement excité par la nourriture. Hein? C'est un genre, Matthew McConaughey. Ouais. Les plumes d'un oiseau pèsent plus que son squelette au complet. C'est tout à fait vrai. Selon une source sûre, encore une fois, quand des fois j'ai des doutes, je dis que ma source est sûre sur assemblagerequis.com. Ses plumes sont plus légères que son squelette. Le peuple Sami, dans le nord de la Finlande, a une unité de mesure qu'on appelle le porankusema. Porankusema, c'est la distance qu'un renne, l'animal, le renne, peut marcher avant d'avoir à aller faire petit pipi. Hein? Porankusema, c'est joli. Quand Disney a sorti le film The Princess and the Frog, La princesse et la grenouille, hein? Plus de 50 enfants ont été hospitalisés à cause d'une salmonelle qu'ils ont attrapée en essayant d'embrasser des grenouilles. C'est l'idée du film, hein, d'essayer de trouver un prince dans une grenouille. Encore une source sûre ici, et pour vrai, ça me dépasse cette information-là, et pas assez pour aller chercher plus d'informations là-dessus. J'ai une curiosité, mais elle a ses limites, là. On parle quand même de carottes. Une carotte crue est toujours vivante quand on la mange. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Une carotte crue est toujours vivante quand on la mange. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. J'ai de l'information, mais c'est dérangeant, tu sais. Voilà pour la rafale. Allons-y avec des faits un petit peu plus en profondeur. Tiens, j'ai envie de parler, entre autres, de musique pour commencer. Je pense que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Des études dans les années 60 et 70 nous apprennent que les plantes répondent à la musique. Tu vois, moi, quand la musique m'appelle, je réponds. Tu sais, je fais... C'est... Ah! Bonjour! C'est la musique qui m'appelle! C'était pas drôle, ça. Donc, les plantes répondent à la musique différemment par rapport à la musique classique et à la musique... En fait, ils répondent le mieux. Leur meilleure réponse, c'était avec de la musique classique et de la musique hindoue. Donc, la musique, ça dit Indian Devotional Music, donc j'imagine un genre de musique religieuse ou en tout cas spirituelle hindoue. Dans un environnement contrôlé, les plantes exposées à ce type de musique-là ont poussé de façon abondante et riche, hein, avec un bon développement de racines. Lorsqu'exposé à de la musique country ou à du silence, ça a amené aucune réaction vraiment, rien d'anormal si on veut, alors que la musique jazz donnait une meilleure poussée. Mais là on parle pas de racines, on seulement de meilleure poussée. Les plantes qui écoutaient du rock, eux, elles ont eu un très mauvais résultat en fait, montrant des signes qu'elles étaient en train de mourir. Et les plantes exposées seulement à du white noise, qu'on appelle du bruit blanc, donc sont mortes très très rapidement. Pour vrai, c'est quand même spécial. Récemment, les chercheurs ont trouvé un gène dans le riz qui est exprimé plus fortement lorsqu'elle... dans le riz? Lorsque le riz écoutait la Midnight Sonata de Beethoven, les résultats de cette étude-là nous suggèrent que les plantes peuvent entendre. Pourquoi est-ce que ça dit « in rice »? Je sais pas trop. Bref, on sait que c'est sur les plantes, l'article, donc les résultats de cette étude-là montrent que les plantes entendent d'une certaine façon. Bon. En fait, peut-être que le riz, c'est parce que c'est une plante. Je sais pas. Encore une fois, ma curiosité, je vais aller chercher ça plus tard. Hein. C'est pas très important pour l'instant. On a aussi appris que les gènes étaient plus actifs lorsqu'exposés à des fréquences entre 125 Hz et 250 Hz, alors que les gènes répondaient moins à des fréquences de 50 Hz. Certains sont sceptiques par rapport à ces résultats. Évidemment, plusieurs facteurs auraient pu influencer les gènes et leur expression dans leur poussée, etc. Entre autres, le vent. L'étude a pensé à l'aspect soleil en faisant la même expérience à la lumière et dans la noirceur. Donc, on a pu éliminer ce facteur-là, mais on n'a pas pu éliminer tous les facteurs, dont le vent, dont j'ai parlé il y a deux secondes. On reste dans le domaine de la musique. Il y a déjà eu un DJ qui a fait un set qui a duré 132 heures et 30 minutes. C'est un total de 5 jours et demi de suite de DJing. Il voulait briser un record qui existait pour le set de DJ le plus long de tous les temps. DJ Smokin' Joe Meckel a démarré son set le 16 décembre 2011 et n'a pas arrêté à faire tourner des disques jusqu'à 5 jours et demi plus tard, le 22 décembre 2011. Il a enregistré tout ça et a envoyé son enregistrement au Guinness Book of World Records, qui a pris plusieurs mois, évidemment, pour authentifier tout ça. Le précédent record appartenait à DJ King du Brésil, qui a duré, lui, 5 jours avec de la musique rap. Donc, de la musique rap. Le Marathon Master, donc notre DJ célèbre, le Smokin' Joe Meckel truc, donc a brisé ce record-là un an plus tard. A rebrisé, en fait, ce record-là un an plus tard en jouant pendant 168 heures, donc 7 jours de suite. Donc, il a battu le 5 jours et demi, c'est ce que ça veut dire. Donc, le titre de Marathon DJ Champion of the World, selon Guinness. Eh ben, il y en a qui ont du temps à perdre. Surtout, je veux dire, j'apprécie le travail que font les DJ, parce que je sais que vous vous attendiez à un commentaire du genre de ma part, ou probablement que vous faisiez le même commentaire. Un DJ, qu'est-ce que c'est autre que quelqu'un qui fait play sur des pitons, hein? C'est bon, facile. Moi, je fais de la radio en ce moment, c'est un petit peu un DJ aussi. Il a quand même, j'imagine, choisi des chansons pour pas qu'elles se répètent. Donc, il a trouvé du matériel. Bon, là, tu pourrais me dire, il s'est téléchargé une banque d'MP3 puis il fait juste les jouer après l'autre. Oui, en effet, mais il faut quand même qu'il reste debout. Il faut quand même qu'il reste réveillé, il faut quand même qu'il appuie sur les boutons, il faut qu'il soit concentré. J'imagine qu'il faut qu'il divertisse la foule devant lui. Donc, d'après moi, c'est pas si simple que ça. Si je peux un petit peu défendre les gens qui, j'imagine, chialent en ce moment. Parlons d'Harry Potter au cinéma un petit peu. Le troisième film de Harry Potter, The Prisoner of Azkaban, a été réalisé par Alfonso Cuarón. Hein? Et Cuarón n'était pas le premier choix pour réaliser ce film-là. Et à l'origine, il était très nerveux. Il n'était pas sûr de vouloir accepter parce qu'il n'avait pas encore lu les livres ou encore vu les films. Après avoir lu la série, il a changé d'idée. Il a décidé de réaliser le film. Son premier exercice pour les acteurs était de leur donner un devoir. Déjà que c'est des enfants, je suis pas sûr qu'ils ont apprécié avoir des devoirs dès le départ. Le trio principal de Daniel Radcliffe, qui joue Harry, Rupert Grint, qui joue Ron, et Emma Watson, qui joue Hermione, donc devaient écrire un texte autobiographique au sujet de leur personnage, mais écrit à la première personne, comme s'ils étaient vraiment le personnage, donc de la naissance jusqu'à la découverte du monde de la magie, dont l'expérience émotionnelle de leur personnage à eux. Radcliffe a donné un simple texte d'une page, probablement quelque chose que Harry ferait. C'est quelque chose de bien fait, mais de concis quand même. Les deux autres étaient encore plus près de leur personnage. Emma Watson a soumis un texte détaillé de 16 pages, comme Hermione aurait fait dans le film. Et Grint, lui, a pas écrit son texte du tout. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit « ben, je suis Ron ». Ron aurait juste pas fait son devoir. Quarn a été, ou Quarn, je sais pas comment prononcer le nom du réalisateur, mais Quarn donc a dit « Oui, parfait, tu comprends ton personnage. Let's go, my boy. » Peut-être pas exactement comme ça. On reste au cinéma. Tom Hanks a passé presque tout le film Castaway pendant 2h23, seul sur une île. Vous le savez si vous l'avez vu ou vous avez certainement entendu parler de ce film-là. Il y avait un compagnon, Wilson, le ballon de volleyball, à qui il pouvait parler dans le film, ce qui résout évidemment le problème que le personnage de Tom Hanks devait pouvoir parler sans avoir à quelqu'un à qui parler. C'était ça ou encore avoir un voice-over, une voix hors champ. Et je trouve que le concept est vraiment très intéressant. L'idée d'un compagnon au ballon de volleyball est arrivé. C'est le scénariste William Broyles Jr. qui faisait de la recherche pour le film. Il a consulté un expert en survie professionnel et il a choisi délibérément d'aller s'installer sur une île isolée dans la mer de Cortez. Donc, il s'est forcé à chercher de l'eau et de la nourriture et d'obtenir un toit sous lequel vivre. Pendant qu'il était pris sur l'île, un ballon de volleyball, littéralement, est arrivé sur la plage, donc au bord de la mer, lui donnant l'inspiration dont il avait besoin pour créer le personnage de Wilson, le ballon de volleyball. En passant, la compagnie Wilson Sporting Goods, qui a donné son nom au ballon, parce que c'est écrit Wilson sur le côté, le nom de la compagnie c'était Wilson, la compagnie n'a pas payé pour le placement de produit, étrangement, mais ils ont évidemment profité de la publicité gratuite en lançant une promotion centrée autour du fait que le ballon de volleyball était la co-vedette de Tom Hanks. Tant mieux que ça leur ait apporté quelque chose, et tant mieux au film de ne pas avoir, je ne sais pas si ils ont approché pour payer, si la compagnie a dit, on n'a pas les détails, mais ils n'ont pas payé pour leur participation dans le film. Vous connaissez l'Almanach du Peuple? J'imagine, tout le monde le connaît, on le voit avec tout le temps les mêmes gens sur la couverture. Il y a tout le temps Céline Dion, il y a tout le temps Véronique Cloutier, il y a tout le temps le même monde sur l'Almanach du Peuple. Mais aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le Farmer's Almanach. C'est l'Almanach du fermier, hein, qui a un taux de succès par rapport à la météo, deux ans à l'avance, hein, de 80%. Parlons-en. À chaque année, donc, le Farmer's Almanach publie de la météo à long terme, jusqu'à deux ans à l'avance, et la compagnie de publication de l'almanach dit qu'ils ont un taux de succès de 80%. Bon, ils utilisent une variation d'une formule développée par le fondateur de l'almanach, Robert B. Thomas, en 1792. Seulement certaines personnes dans le monde connaissent la formule, mais on connaît quelques-uns des facteurs. On parle de la science solaire, l'étude donc du soleil, de l'activité solaire, la climatologie, l'étude des weather patterns, donc je sais pas des comment dire ça en français, weather patterns, mais genre des tendances météorologiques, si on veut, qui se répètent de façon cyclique, la météorologie et donc ça c'est l'étude de l'atmosphère, voilà. Donc, ils prédisent la météo en comparant les trucs solaires et les conditions météorologiques historiques, donc du passé, avec l'activité récente, courante, solaire. Donc, c'est une formule mathématique top secrète, une formule astronomique qui se fie sur le Soleil. Bref, j'arrête pas de dire les mêmes mots parce que le texte me dit à peu près ces mêmes mots-là dans l'ordre. Donc, les positions des planètes et plusieurs autres facteurs. Voilà. Les études indépendantes qui comparent la météo de façon rétroactive et rétrospective. Donc, si on regarde dans le passé, c'est ce que les études ont essayé de faire, c'est de comparer la météo du passé avec ce que l'almanach a dit pour ces jours-là. Et ils ont appris, finalement, que c'est à peine plus précis que la chance. Donc, c'est un petit peu du 50-50. Si t'avais juste deviné, un peu comme dans un examen, si t'avais juste mis n'importe quelle réponse, t'aurais eu à peu près le même résultat que selon leur formule secrète à l'almanach du fermier, du farmer. Et bien, je me demande, j'imagine, d'après moi, ça doit être la même chose pour l'almanach du peuple. Eux aussi, il me semble, on la météo depuis à l'avance, pas mal. T'empêcher de sortir tes émotions, ça pourrait te rendre plus agressif. Si on dit de ne pas garder ça en boule à l'intérieur, ça arrive souvent. Donc, selon une nouvelle recherche une nouvelle étude de la University of Texas at Austin et l'University of Minnesota, qui a reçu des fonds, entre autres, de l'armée américaine, garder ses émotions à l'intérieur de soi-même peut rendre les gens plus agressifs. En utilisant une paire de scènes de films célèbres, les psychologues nous apprennent, c'est ça, ils ont dit à leur sujet de ne pas montrer d'émotion pendant les scènes, et ces gens-là ont été agressifs plus tard, plus que ceux qui ont pu montrer leur dégoût pendant le visionnement de la scène. Ils ont mesuré ça Ils ont mesuré ça donc en prenant les participants et en leur disant d'envoyer des extraits sonores dérangeants à quelqu'un d'autre. Okay? Donc, ils pouvaient choisir le volume du son. Est-ce que c'était vraiment dérangeant? S'il y avait un bouton pour y aller plus fort un petit peu. Donc, les participants croyaient qu'ils envoyaient ça à une vraie personne, mais évidemment, c'était pas contre une vraie personne. Et ceux qui avaient gardé leurs émotions à l'intérieur d'eux-mêmes pendant l'extrait du film mettaient les niveaux plus élevés en moyenne que ceux qui avaient pu montrer leur dégoût pendant la scène. Un exemple dans la vraie vie serait par exemple un travailleur qui devrait garder en boule ses émotions contre un patron cruel, mettons. Donc, ce travailleur-là, selon l'étude, pourrait aussi être plus agressif envers ses amis ou sa famille plus tard. Je pense que c'est évident. On partira pas sur des débats de violence conjugale, mais c'est sûrement, ça a des racines des fois dans des trucs comme ça. La vie va mal, tu te défoules sur les autres. Donc, d'autres expériences qui ont essayé de trouver un lien entre l'agressivité et le manque de sommeil. Et cette étude-là a aussi essayé de regarder ce principe-là. Ils avaient des groupes, on leur disait de ne pas dormir pendant 24 heures avant l'étude. Et il y avait aussi un groupe qui, eux, pouvaient dormir. Contrairement à d'autres études, par contre, dans cette étude-là, on n'a pas trouvé de lien entre le manque de sommeil et l'agressivité. Donc, bon, ça fait un facteur de moins, peut-être. Mais en même temps, ça dépend des gens. Ça nous affecte tous différemment, le sommeil. Le ketchup, le mot et la sauce sont originaires de Chine. Le saviez-vous? Le ketchup est un condiment qui est évidemment très populaire en Amérique du Nord. Il y a très peu de personnes qui pourraient goûter à ça et penser que ça vient de l'Asie. Mais le mot ketchup vient du mot chinois ketchup, K-E-C-H-I-A-P. Mais ça, c'est évidemment une translittération quand même du mot chinois. Là. C'est pas, il écrit pas avec les mêmes lettres. Hein. Donc, ça veut dire... c'est une sorte de poisson entier en saumure, que ça veut dire environ, selon la traduction que j'ai cherchée sur Internet. Le ketchup à l'origine était composé, entre autres, de saumure de poisson ou de poisson en saumure avec différentes herbes et épices. Et ça goûtait un petit peu comme la sauce Worcestershire, plus qu'au ketchup qu'on connaît de nos jours. La recette pour la sauce a commencé à se propager un petit peu en Asie. Éventuellement, c'est rendu en Indonésie et en Malaisie, où les Britanniques l'ont découvert au 17e siècle. Les marins anglais aimaient la sauce tellement qu'ils l'ont ramené en Angleterre, où ils ont ajouté des tomates. Et ils ont créé la première version du ketchup tel qu'on le connaît aujourd'hui. La NASA a acheté des parties de fusées sur eBay parce que Intel ne les fabriquait plus. Vous connaissez peut-être la loi de Moore qui a suggéré en 1965 que le nombre de transistors dans un circuit allait doubler approximativement chaque 2 ans, voulant dire que les ordinateurs allaient être de plus en plus rapides et de plus en plus quand même évolués. Hein. Une bonne démonstration de cet exemple-là est le téléphone cellulaire. Hein, ou les calculatrices hein, qui ont plus de puissance que les ordinateurs à bord de la mission Apollo. Les systèmes de contrôle dans les fusées américaines ont utilisé des processeurs Intel 8086, le premier X86 sorti en 1979. Donc, ce processeur 16 bits pouvait seulement avoir 1 MB de mémoire en utilisant un address bus de 20 bits. Bref, des détails. Mais Intel a arrêté de fabriquer ces pièces-là il y a plusieurs années. Et étant donné que la NASA avait besoin de ça, ils ont été obligés d'en acheter sur eBay en 2002. Mm-hmm. Ce qu'on nous dit à la fin de l'article est quand même assez intéressant aussi, c'est que les Soviétiques sont allés dans l'espace sans même avoir d'ordinateur du tout. Leur premier lancement dans l'espace a été calculé à la main. Impressionnant. On reste dans les communications un petit peu, si on veut. En fait, on reste dans l'espace. Je pense que ce serait un meilleur lien à faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous souvenir de quelque chose rapidement comme ça? Par exemple, mettons, de remplir vos impôts. Ça arrive. La vie, des fois, va tellement vite qu'on oublie des dates importantes comme la remise des impôts. C'est arrivé à John Swigert à un moment très, disons, pas très pratique. Il était le Command Module Pilot, donc le pilote aux commandes des modules ou modules de commande à bord de Apollo 13 et était quand même assez loin de la Terre à ce moment-là. Donc, ils ont eu des difficultés. Vous avez peut-être vu les difficultés dans le film Apollo 13, entre autres, où on dit « Houston, we have a problem », mais c'était pas le premier problème qu'il avait eu. Hein, donc, les difficultés à l'intérieur de la mission Apollo 13 étaient regardées par le monde entier. Tout le monde retenait leur souffle et priait pour le retour éventuel de ces astronautes après un manque de courant dans un des deux circuits électriques principaux du module. Voilà. Donc, Swigert, c'est ça, a dit des mots qui ont été répétés par son capitaine Jim Lovell. Donc, en communication jusqu'à Houston. Houston, nous avons un problème. Ce qui a signalé la plus grande urgence dans l'histoire de l'exploration de l'espace à ce moment-là. Mais donc, c'est ça, c'était pas la première fois parce qu'avant ça, il a dit Houston, on a un problème. Comment est-ce que j'applique pour une extension? Il a demandé tout ça très sérieusement. Évidemment, dans la salle des contrôles, tout le monde riait. Mais il a continué sa citation en disant « Les choses se passent beaucoup trop vite ici et j'ai besoin d'une extension. Vraiment, je suis sérieux. Est-ce que vous voulez bien aller le porter pour moi? » Donc, le flight director, le directeur du vol, Glenn Lunny, l'a calmé en lui expliquant que les citoyens américains qui sont à l'extérieur du pays ont une extension automatique de 60 jours. Et il a dit « J'imagine que ça s'applique à l'espace. » Donc, heureusement, après un voyage très tumultueux, les trois astronautes sont revenus sur la Terre complètement en sécurité. Et Swigert a pu envoyer son rapport d'impôt. Et pauvre gars. Ensuite, vous connaissez peut-être le City String. On voit souvent ça dans des films américains, entre autres. Je ne sais pas si on a tant... Il me semble que oui. Je pense que j'ai vu ça au Québec aussi. Mais c'est des cannes, des canettes. Et puis on peut tirer de la petite genre de... C'est comme une corde molle, si on veut. City String, c'est comme la genre de petite glue, si on veut. Donc, dans leur mission en Irak... les troupes aux États-Unis et les troupes américaines et britanniques se servent de City Strings pour chercher des pièges. Donc, ils envoient leurs City Strings sur les portes ouvertes et dans les corridors pour détecter et pouvoir bouger autour des fils qui pourraient, dans le fond, être piégés, ce qu'on appelle les tripwires, des cordes qui sont là pour déclencher des alarmes, bref, finalement, et des explosions. Donc, comment est-ce que ça se fait? Pourquoi ils ont pensé à la City String? Ben, c'est que c'est collant, assez pour s'accrocher à des fils sans peser trop et faire partir les systèmes d'alarme et les explosions. Pendant la guerre en Irak, les gens ont même fait des levées de fonds, si on veut, pour amasser des City Strings pour pouvoir les envoyer aux troupes américaines outre-mer. On passe en Utah maintenant, qui a une loi assez particulière par rapport à l'alcool. Vous savez que la majorité des gens dans l'état de l'Utah appartiennent à l'église Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Et on est vraiment contre la consommation de l'alcool dans cette religion-là. Étant donné qu'une grande population de mormons dans l'Utah, et ils ont des croyances mormones, pas sûr. Donc, les lois par rapport à l'alcool dans l'Utah ont toujours été très, très strictes. Et les restaurants de l'Utah doivent avoir des bartenders qui sont séparés du public. Donc, quand on prépare des drinks, des cocktails, des boissons, il faut être séparé de la clientèle qui a commandé le verre. Cette partition-là s'appelle le Zion Curtain, donc le rideau de Zion, et est souvent fait de vitres... pas transparent, mais c'est une vitre genre avec un look dessus, là, frosté. Là, genre, si on veut une vitre qu'on ne voit pas tout à fait au travers. Donc, l'idée de ces Zion Curtains est de garder l'alcool loin du champ de vision des gens dans le restaurant qui ont fait le choix de ne pas consommer d'alcool. On espère aussi qu'on va peut-être calmer les ardeurs des gens qui vont moins vouloir boire. C'est comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Hein, voilà. Donc, dans l'état de l'Utah, une personne doit avoir 21 ans pour pouvoir acheter ou consommer de l'alcool. Il y a une limite, une période limite dans la journée où l'alcool peut être servi. Donc, on ne peut pas servir d'alcool passé 1h du matin dans l'Utah. La nourriture la plus volée dans le monde. Vous pourriez vous dire que c'est probablement de l'alcool, sûrement peut-être de la viande. Ça coûte cher, la viande? Non, c'est du fromage. Un sondage fait en 2011 nous révèle que le fromage est l'article de nourriture le plus volé dans le monde. Juste derrière ça, c'est la viande, en effet, viande fraîche, les bonbons et la formule pour bébé, là, du petit genre de lait en canne pour bébé. Donc, le fait que le fromage est petit et facile à mettre dans ses poches et aussi, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de vols. Et ensuite, on revend ce fromage-là sur le marché ou dans des restaurants. Et c'est difficile de tracer du fromage. Je sais pas comment on ferait pour tracer des affaires comme ça. Un peu comme dans les magasins à grande surface, ils vont avoir une petite étiquette à l'intérieur qui fait sonner des alarmes. J'ai rarement vu ça dans des épiceries. Donc, plusieurs petits marchés vont stratégiquement placer leur fromage en plein milieu du magasin, devant tout le monde, en plein milieu de la place et non pas sur des murs, par exemple. Ils vont avoir des caméras pointées directement dessus pour voir si quelqu'un vole le fromage. Souvent, le fromage est aussi placé devant sous des lumières vraiment intenses. Vous avez peut-être remarqué les lumières près des fromages. C'est aussi fait pour attirer ton regard, pour que tu aies envie d'aller en acheter. Ça, on passe tout le temps par là, puis on a tout le temps envie d'en acheter. Désolé. Donc, le vol de fromage est un vrai problème dans les épiceries et certains types sont tellement chers que ça peut se vendre pour beaucoup d'argent. Une ville nommée Ixonia dans le Wisconsin a été nommée complètement au hasard. Donc, vous savez, nommer quelque chose, c'est difficile que ce soit un enfant ou une émission de radio. Hein? Ça peut être difficile de trouver un titre pour quelque chose. Quand une ville dans le Wisconsin qui a duré seulement 5 ans, cette ville-là dans le Wisconsin a duré seulement 5 ans, a été séparée en deux par la suite. Donc, on avait besoin de deux nouveaux noms. Le premier, facile, tout le monde était d'accord, c'est Concord dans le Wisconsin. Concord, d'accord. Mais le deuxième nom était plus difficile à trouver. Donc, les gens de la ville, de la deuxième ville qu'on appelait à cette époque-là Town 8, donc la ville 8, ont eu un problème très familier de devoir trouver un nom. Pour résoudre le problème, ils ont décidé de mettre ça entre les mains de la destinée. Donc, ils ont pris toutes les lettres de l'alphabet, ils ont écrit chacune des lettres sur un morceau de papier, ils ont lancé ce papier-là dans un chapeau, et une jeune femme a dû ramasser les lettres au hasard jusqu'à ce qu'on puisse trouver un nom qui avait du sens, là, pas des lettres qui ne fitaient pas ensemble. Donc, finalement, le résultat, c'est un nom de 6 lettres, et c'est Ixonia, I-X-O-N-I-A. Tiens. Hein? L'autre ville aurait pu s'appeler Benezra, Ixonia Benezra, ça aurait été beau. Hein? Mais non, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Mais voilà pour cet fait, c'est tout pour cette chronique de choses véridiques, véritables et vérifiables pour la plupart. C'est selon Internet, évidemment. Toutes les sources sur assemblagerequis.com, même celles qu'on n'est pas sûr. Mais en fait, dans la rafale, en première partie, des fois, je fais un petit peu moins confiance. J'essaie d'y aller avec le gros bon sens. Mais dans la deuxième partie, où on est un petit peu plus exhaustif, les sources sont vraiment précises, donc ça me surprendrait vraiment gros qu'il y ait une erreur là-dedans. Sinon, une erreur de traduction, c'est si vite arrivé. AssemblageRequis.com pour les liens de C'est un fait. Tantôt, à l'émission, on va faire son foutu palmarès. On va parler, entre autres, ça va être vraiment intéressant aujourd'hui, le top des fêtes qu'on peut célébrer en juillet. On fait ça pas mal à chaque mois. Ensuite, quoi manger pour la fête du Canada qu'on vient de passer, donc des nourritures canadiennes et 19 choses qu'on savait pas que Caroline s'est inventé au Canada ou par des Canadiens. Ça va être intéressant quand même, c'est pas un gros hommage à la fête du Canada, mais c'est juste quand je suis tombé là-dessus puis je trouvais ça intéressant. Donc on fait ça dans son foutu palmarès juste au retour, mais pour l'instant tantôt j'avais promis une nouvelle entrée de la semaine passée qu'on n'a pas encore eu l'opportunité d'entendre tant que ça, c'est celle de Bri Webb. Voici AM Blues sur C'est fou. FM. Cages paint the walls, don't you name some strangers, when I call AM Blues. AM Blues. confess my love. Or maybe one day, honey, you just won't hang up. Any game you choose is a game I was born to lose. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et maintenant, on va faire une petite liste de quelque chose de bien fun. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Par exemple, cette fois-ci, c'est les fêtes qu'on peut célébrer pendant le mois de juillet. On fait ça à chaque mois pas mal depuis quelques temps. Donc, évidemment, le mois de juillet, vous savez, ça a commencé avec la fête du Canada. Je pense que j'apprends rien à personne. C'est pas le but de la chronique de vous dire ça. Hey, savez-vous qu'on va faire le Canada le 1er juillet? Il y a quand même d'autres fêtes assez intéressantes. Par exemple, le 3 juillet, c'est la journée « Donner un compliment à votre miroir ». Ah oui, parce qu'on va peut-être vous complimenter en retour. On sait pas, là. Ensuite, c'est le 3 juillet aussi. C'est le début de ce qu'on appelle les Dog Days of Summer. Vous connaissez peut-être cette phrase-là, c'est comme une expression connue en anglais, mais le Farmer's Almanac, dont on a parlé tantôt dans cet effet, elle décrit ça comme la période de l'été où Sirius, c'est une étoile, donc Dog Star, se lève chaque jour à peu près en même temps que le soleil. Donc, c'est le bout de l'été qui est très, très chaud, ça va entre le 3 juillet et le 11 août. Le début de cette période, très, très collante pour l'hémisphère nord, coïncide avec le jour où la Terre sera à ce qu'on appelle l'aphélion, qui est le point dans son orbite qui est le plus loin du Soleil. Ça en fait des choses techniques, hein, je crois que c'est à peu près ça. Ensuite, du 6 au 12 juillet, c'est la semaine « Soyez gentils avec le New Jersey ». Hein? Tu sais, parce que le New Jersey fait rire de lui, c'est un état quand même. Alors, le 7 juillet, c'est la journée où père et fille vont se promener ensemble. Hein? Ils vont marcher ensemble, contrairement au reste de l'année, où tu marches seul. T'sais? Et c'est toujours aussi la journée Tell the Truth Day. La journée Dites la vérité, aussi le 7 juillet. Le 10 juillet, la journée Ne pilez pas sur une abeille. Très bon conseil à tous les jours. Le 12 juillet, Night of Nights. Donc, le 12 juillet 1999, les États-Unis ont fermé le service d'opération de code Morse commercial. Mais à chaque année depuis, lors de l'anniversaire du 12 juillet 1999, la Maritime Radio Historical Society va commémorer cette radio-là maritime en ramenant les stations KPH, KSM et KFS sur les ondes pour une soirée par année. Et il y a d'autres stations de radio qui existent à l'année longue qui vont aussi participer avec du contenu relié au code Morse. Le 13 juillet, c'est la journée, ce qu'on appelle Gruntled Workers. Vous connaissez peut-être le mot en anglais, disgruntled. La définition en tant que telle, ça, là, c'est des, c'est comme des employés un petit peu genre, comment dire, pas fâchés. Je vais chercher à la place, tiens, disgruntled, à la place de vous dire n'importe quoi. Il y a sûrement une traduction en français de ça, à quelque part. Quelque chose de bien, bien évident. Mécontent. C'est à peu près ce que j'aurais exprimé, mais avec d'autres mots. Pas heureux. C'est ça, mécontent. Et là, donc là, à la place, c'est le contraire. À la place, c'est gruntled, donc content. C'est l'antonyme qui prend les devants dans cette célébration des employés contents de leur travail à la place d'être fâchés contre ton travail puis pas aimer ce que tu fais. Bon. 14 juillet, la journée internationale Town Criers. Town Criers, c'est dans le temps, tu sais, ceux qui criaient Oye, Oye. C'est donc annuellement, le deuxième lundi du mois de juillet, c'est notre opportunité de rendre hommage à ceux qui criaient dans les rues Oye, Oye, ou en anglais Hear ye, hear ye. Le 18 juillet, c'est la journée de Mandela. Donc, depuis 2009, l'anniversaire de Nelson Mandela est célébré. C'est une opportunité de rendre hommage à sa vie et d'inspirer les autres prendre part au changement du monde pour le mieux. Voilà. Le 20 juillet, la journée nationale de la crème glacée. Hein, c'est le troisième dimanche. Vous avez remarqué le Sunday. Hein? Sunday de juillet, dernier dimanche. Le troisième dimanche. Troisième dimanche de juillet. La journée nationale de la crème glacée. J'ai pas vraiment besoin d'une journée précise pour ça, mais je vais l'apprendre. Hein, c'est le 20 juillet. Le 21 juillet, celui-là, je le comprends plus ou moins, c'est le National Get Out of the Doghouse Day. Donc, sortez de la niche à chien. Je sais pas si ça veut dire de juste sortir dehors de chez vous et on appelle votre chez vous la niche. Peut-être. Le 24 juillet, c'est la journée nationale de dites une vieille blague, racontez une vieille blague. Pourquoi pas? Le 26 juillet, la journée nationale des Cowboys, hein, célébrée pour la première fois en 2005. C'est votre chance de jouer, de participer à un rodéo peut-être, écouter de la musique country et sortir vos vieilles bottes de cowboy. Le 27 juillet, c'est la journée nationale de marcher sur des échasses. C'est les échasses, les trucs de bois qui font que vous avez l'air plus grand. Et finalement, le 31 juillet, c'est la journée nationale du chili dog. C'est le hot dog avec du chili, évidemment, dedans. Ici, sur la photo, ça a l'air particulièrement bon. C'est de la sauce chili avec des oignons en dés. Et du fromage râpé, ça a l'air excellent. C'est le dernier jeudi du mois de juillet, votre chance annuelle de proclamer votre amour envers cette nourriture parfaitement américaine. Donc, le National Chili Dog Day qui tombe le 31 juillet cette année. Et on continue avec deux petits sujets plus canadiens dans ce cas-ci. C'est pour commencer, quoi manger pour rendre hommage au Canada? Bon, le jour du Canada, la fête du Canada, c'était il y a quoi, deux jours pour nous qui sommes en direct le 3, mais tout le mois au complet ou n'importe quand, vous pouvez célébrer la nourriture canadienne. Juste parce que, Colin, c'est le fun, il y a beaucoup plus d'affaires canadiennes qu'on pensait. Évidemment, on parle d'origine canadienne. C'est ça. Des favoris de l'alimentation canadienne. On va commencer avec le plus facile, la poutine. On a déjà parlé plusieurs fois de l'invention de la poutine. Il y en a qui disent que c'est un restaurateur québécois, Fernand Lachance, en 1957. Donc, ils vont dire que c'est d'autres places. Il y a une recette, d'ailleurs, qui est apparemment excellente par le chef qui, saviez-vous, est canadien-français. Genre, Chuck Hughes. Le chef Chuck Hughes, je savais pas ça, qui est canadien-français. Je crois pas que ce soit québécois, mais bon, canadien-français. Ensuite, les tartes au sucre, qu'on appelle des fois butter tarts, tartes au beurre, dessert traditionnel canadien, qu'on ne partage pas avec aucun autre pays. Une petite tarte à la croûte avec sucre, du beurre, du sirop d'érable, des œufs. Et ensuite, on fait cuire ça jusqu'à ce que ce soit tout croustillant, miam. Le Kraft Dinner, saviez-vous ça, que la formule n'est pas la même au Canada? Aux États-Unis, ça s'appelle Kraft Macaroni and Cheese. On n'appelle pas ça codé du tout. Non. Ce que les Américains, oui, appellent Kraft Macaroni and Cheese est emballé différemment au Canada sous le nom de Kraft Dinner. Au Canada, donc, avec une fraction de la population des États-Unis, consomme plus de boîtes bleues de macaroni au fromage que les Américains. Alors qu'on est seulement une fraction, c'est ça. En fait, le Kraft Dinner est l'article d'épicerie le plus acheté au Canada selon une étude. Donc, ça fait que le KD, et non pas la poutine, est notre plat national. On mange 3,2 boîtes en moyenne par année. C'est pas tant que ça, 3,2 par année, il me semble. 55% plus que les Américains. On est aussi le seul peuple à faire référence au Kraft Dinner comme nom générique pour du macaroni au fromage instantané. Les Bare Naked Ladies ont chanté une chanson sur le macaroni au fromage. C'est dans leur chanson « If I had a million dollars », ça dit « If I had a million dollars », donc je vais vous la traduire en français. Parce que je suis tellement bon, hein. Sauf quand je me trompe à chaque deux secondes. Si j'avais 1 million de dollars, on n'aurait pas à manger du Kraft Dinner. Par contre, on mangerait du Kraft Dinner parce que bien sûr qu'on en mangerait, c'est juste qu'on en mangerait plus. C'est ce que ça dit dans la chanson en général. Donc, en réponse à ça, les fans ont lancé des boîtes de Kraft Dinner aux membres du band alors qu'ils performaient cette chanson-là lors d'un spectacle. C'était pour les vénérer. Évidemment, je crois que c'était immanquable de parler de Tim Hortons. Hein, Tim Hortons, qui a des restaurants aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, oui, ils ont ouvert plusieurs restaurants aux États-Unis. Le logo n'est pas le même, leur slogan n'est pas le même non plus. C'est genre Tim Hortons Café and Bake Shop ou je ne sais pas trop quoi, bref. Mais la compagnie est surtout connue pour avoir ouvert des restaurants au Canada et avoir vendu, bien sûr, des beignes hein, et du café. Je vous apprends les choses, là. Le premier Tim Hortons a ouvert en 1964, donc avec la vedette du hockey, Tim Hortons. Tim Hortons, pas de S, pardon. À Tim Hortons, ça a été ouvert par ce gars-là à Hamilton, en Ontario, vendant du café et des beignes. La compagnie a pris de l'expansion. Ils ont commencé à participer à plein d'activités par rapport au hockey. Une grande majorité du café acheté au Canada vient de ces 3000 restaurants. 3000 restaurants canadiens pour Tim Hortons. Ensuite, le sirop d'érable. Le Canada produit 80% du sirop d'érable du monde. La Federation of Quebec Maple Syrup Producers, donc j'imagine qu'en français, la Fédération des producteurs de sirop d'érable du Québec, voilà, a même une réserve de sirop d'érable stratégique où on garde 40 millions de livres de sirop. On a commencé ça en 2011. Par contre, les Américains ont appris que cette réserve-là existait. En 2012, vous avez peut-être entendu la nouvelle à un moment donné, on a volé 6 millions de livres de sirop. Ensuite, les bars Nanaimo. Miam, les barres d'Anaïmo, sûrement un de mes desserts préférés après les. Je dirais avant les petits carrés au citron, miam. Donc, les barres d'Anaïmo, c'est un dessert nommé en hommage à la ville de Nanaimo, en Colombie-Britannique. Ça, je ne le savais pas. La recette est apparue dans un livre de cuisine sous ce nom-là en 1953, même si plusieurs recettes similaires peuvent être trouvées qui datent d'avant. La concoction est, dans le fond, une couche de miettes de gaufres. Wafer crumb, c'est bien ça. Couverte de vanille ou encore de croustade. Croustade. Des fois, je cherche mes mots en français parce que c'est pas évident. Croustade, voilà. Des mots qu'on n'utilise pas souvent. C'est ça avec crème de beurre, glaçage et autres trucs qu'on couvre ensuite de chocolat. Bon, la recette n'est pas très bien expliquée de ma part, mais bon. Allez voir sur assemblagerequis.com. Il y a un lien vers, apparemment, encore une fois, on nous dit tout le temps, une des meilleures bars de Nanaimo. Celle-là vient de CanadianLiving.com. Si ça vous intéresse, sur assemblagerequis.com. Ensuite, le bacon. Mais on parle de vrai bacon et non pas le bacon de dos, les ronds de bacon qui est juste du jambon. Donc, en 2010, un sondage par Maple Leaf Foods, donc la compagnie Maple Leaf, nous apprenait que 43% des Canadiens préféraient choisir le bacon versus le sexe. Donc, ils choisiraient le bacon et non le sexe. C'est évidemment ce que les gens ont répondu quand une compagnie de bacon leur a posé la question. C'est sûrement pas tout à fait véridique, mais quand même. Celui-là pourrait vous surprendre parce que j'en ai parlé à quelqu'un à un moment donné et cette personne était surprise et je pense que tout le monde serait surpris d'entendre ça, que les chips au ketchup, c'est pas mal chaud au Canada. Saviez-vous ça? Les États-Unis mangent beaucoup de chips en général, de croustilles, et ils ont la réputation évidemment de mettre du ketchup sur à peu près tout, ben, sauf leurs chips. Et ça, c'est seulement canadien. Il y a plusieurs marques évidemment de chips au ketchup vendus au Canada, mais très peu sont disponibles aux États-Unis. Vous savez que Lay's en fabrique des chips au ketchup, mais les gens aux États-Unis doivent les importer, entre autres par eBay. C'est le fun ça? Ben, faut la savoir. D'autres nourritures qu'on associe avec le Canada, le saumon du Pacifique, les bleuets, les bagels de Montréal et d'autres recettes. Donc, allez voir la liste complète sur assemblagerequis.com. Et tant qu'à être là-dedans, on pourrait continuer un petit peu avec un top des choses qu'on ne savait pas, mais que ça a été inventé au Canada. Parce qu'on est responsable de pas mal de choses, quand même assez merveilleuses. Commençons par le beurre d'arachide. Ce pharmacien montréalais, Marcellus Gilmore Edson, qui a eu cette vision-là d'une tartinade aux noisettes, aux arachides. Breveté en 1884, c'est une option pour... il a inventé ça, en fait, pour les gens qui pouvaient pas mâcher. Tu sais, ils pouvaient pas mâcher, donc à la place, il faisait juste se licher du beurre de pin. La Wonder Bra, c'est la Lady Corset Company. Une compagnie, non, la Canadian Lady Corset Company, voilà, de Montréal, qui a acheté, qui a en fait eu le droit, comment dire, à acheter, non, comment dire, copyrighté, je sais pas trop quoi. Bref, s'est procuré les droits pour la marque Wonder Bra en 1939. Ensuite, la compagnie au complet a été renommée Wonder Bra en 1961. Trivial Pursuit, les arpents de neige, c'est quelque chose comme ça, des arpents de piège. Inventé en 1979, attends un peu, je veux dire comme faux, arpents de pièges. Ça se peut-tu? Trivial Pursuit. Exactement. Quelques arpents de pièges au Québec. C'est le seul endroit où on a un nom, je pense, pour ça, en français. Donc, inventé en 1979 par Scott Abbott. C'était un journaliste, ou en tout cas un chef de pupitre, dans un journal pour la chronique des sports. Et Chris Haney, qui lui s'occupait de la photo. Ils ne réussissaient pas à trouver leur tuile de Scrabble. Ils ont inventé Trivial Pursuit. L'odomètre, en 1854, l'inventeur de la Nouvelle-Écosse, Samuel McKean, a créé un appareil qui mesurait la distance, qui mesurait la distance en comptant chaque révolution d'une roue. C'est en 1854. Le Rotary Snowplow, ça, c'est un truc à neige. Comment t'appelles ça déjà? C'est pas une affaire pour déneiger, une déneigeuse, si on veut. Donc, un dentiste de Toronto nommé Dr. J.W. Elliott a conçu cette idée-là pour une lumineuse de neige. Je sais qu'il y a un mot en français, mais je le trouve jamais. Puis j'ai pas personne pour me dire le mot en français. Bon. Je fais rire de moi à chaque fois parce que on dirait que je suis plus anglophone que francophone par moment. Mais bon, gars, je m'assume. Donc, la snowmobile, ouais, c'est ça. Et la souffleuse sont aussi nées au Canada. Mais la Zamboni, elle, a été créée en Californie. Ouf, pas facile. Le carton d'œuf. Prochaine chose inventée par des Canadiens, alors qu'on ne le savait pas nécessairement. Donc, un rédacteur en chef d'un journal, Joseph Coyle de Smithers, en Colombie-Britannique, a trouvé une nouvelle utilisation pour le papier ou le carton en 1911 en inventant le célèbre porte-œuf. IMAX aussi. Donc, quatre hommes. Graham Ferguson, Roman Kreuter, Robert Kerr et l'ingénieur Robert C. Shaw ont fondé IMAX en 1967. Kreuter a produit le premier film IMAX en 1970. C'était les trois premiers des filmmakers, des gens qui font des films, si on veut. Ensuite, les pommes Macintosh. Les pommes Macintosh qui ne poussaient pas dans les arbres si facilement que ça dans le temps. En fait, ne poussaient pas du tout. En 1811, le fermier John Macintosh a commencé à fusionner le Wild Apple Tree avec dans sa ferme de South Dundas. Les gens ont commencé à savourer son fruit, le fruit de ses labeurs, en 1835. Le walkie-talkie, ensuite, Don Hings a inventé ce qu'il appelait le Pac-7 en 1937, lorsque le Canada a déclaré la guerre contre l'Allemagne. Deux ans plus tard, il est allé à Ottawa pour redévelopper l'appareil pour utilisation militaire. L'insuline. Le scientifique de Toronto, Frederick Banting, Charles Best et James Collip n'ont pas inventé l'insuline en 1922 parce que c'est une hormone qui est naturellement produite par le pancréas, mais ils ont plutôt découvert l'insuline et ils ont appris comment ça pouvait aider à traiter le diabète. Ensuite, la reprise instantanée. C'est un producteur à la télévision de Radio-Canada en anglais, donc CBC Television, George Retzlaff, qui a utilisé un kinoscope lorsqu'il a créé la première reprise instantanée en 1955 pendant une diffusion de Hockey Night in Canada, évidemment la soirée du hockey. La corne de brume. Robert Foulis a inventé une corne de brume qui fonctionnait à la vapeur en 1854, mais il est mort sans argent parce qu'il n'avait pas breveté l'idée. L'encre verte, sur l'argent a été inventée au Canada aussi. En 1862, Thomas Sterry Hunt a inventé l'encre qui fait que les billets américains sont verts. L'étiquette à bagages. John Michael Lyons du Nouveau-Brunswick a inventé la première étiquette à bagages en 1882. Ce document révolutionnaire contenait des informations au sujet du point de départ du bagage, sa destination et son propriétaire. Donc, ça a été inventé au Canada. Ensuite, le rouleau à peinture. Un Canadien nommé Norman Breakey l'a inventé en 1940, mais un inventeur américain nommé Richard C. Adams a changé un petit peu le design et a ensuite breveté ça. Donc, malheureusement, le Canadien n'a pas tellement le crédit. L'heure standard a été inventée au Canada aussi. L'ingénieur Sanford Fleming a amené l'heure standard aux États-Unis et au Canada dans les trains en 1883. Les zones horaires sont devenues une loi américaine en 1918 et ont été acceptées partout dans le monde en 1929. Les autobus accessibles par chaise roulante sont aussi canadiennes. Walter Harris Callow, vétéran de la guerre, aveugle et quadraplégique en français, a inventé le premier autobus accessible par chaise roulante en 1947. Il a pris sa première et dernière balade en autobus pour handicapés après sa mort. Son corps a été transporté jusqu'à sa funéraille. C'est funéraire. Pluriel, je pense, en français. Hey boy. Ensuite, la chaise roulante électrique. En 1952, un ingénieur nommé George Klein a rendu le monde plus accessible aux personnes en chaise roulante. Dans le fond, avec une chaise roulante motorisée. Voilà. Et pour terminer, les sacs à poubelle. Ouais, donc avec du polyéthylène à l'épreuve de l'eau et qui s'étire bien à leur disposition. Harry Wasilik du Manitoba et Larry Hansen de l'Ontario ont inventé le premier sac poubelle en plastique pour utilisation commerciale en 1950. La Union Carbide Company a acheté l'idée et a amené donc ces nouveaux sacs poubelles nommés GLAD dans nos maisons. Hier, en cherchant ça, je me suis demandé la différence entre Glad et Glade. Deux compagnies complètement différentes, aucun lien entre les deux. Juste des noms similaires. Et, ben. Et je savais pas que Glade, dans d'autres pays, s'appelait Breeze. Mais ils ont changé de nom. C'était en Allemagne, je pense que ça s'appelait Breeze. Puis c'est redevenu, ben, c'est devenu Glade pour, ou Glad avec un E. C'est ça qui est difficile en français parce que les deux s'appellent Glad. Glad et Glad. En tout cas, pète pis répète. Hein. Voilà pour son foutu palmarès. C'était complexe par moment, mais je pense qu'on s'en est bien sorti. On a appris beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'aime ça apprendre des choses comme ça avec vous. C'est le fun. Tantôt, dans la prochaine demi-heure, je crois qu'on va faire. Peu importe. Je sais qu'il nous reste encore 5 semaines de répondre là, le plusieurs du hasard, le bloc pub, un paquet de chroniques qui ne seront pas nécessairement dans l'ordre que je vous avais prévu, mais c'est pas comme si c'était bien grave, hein? Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. On s'en va entendre une pièce qui a fait son entrée dans le plus récent palmarès, celui du 23 juin au 6 juillet. C'est la 20e place francophone. Voici Amor Blitz, c'est ma plus belle psychose. Ah, c'est fou! 89.1 FM. Toujours à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. Pendant la pause publicitaire, peut-être que vous avez entendu un petit message par rapport à une soirée, en fait, qui a lieu tous les soirs, entre le 12 juin et le 13 juillet, l'Oriflamme, resto-bar sportif. C'est la Coupe du monde de la FIFA, et ils ont un buffet du sportif en ce moment avec aile côte levée, pizza à volonté, match sur écran géant. Et dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA, c'est fou, 80 FM est fier de vous offrir un laissez-passer quadruple, incluant un souper par personne, pour assister à un des matchs de la Coupe du monde de soccer de la FIFA sur les 24 écrans du 12 juin au 13 juillet 2014. C'est à l'Oriflamme, resto-bar sportif sur le boulevard des Forges. Donc, on vous offre ce laissez-passer quadruple. Quadruple! Quatre personnes en même temps. Hein? Avoir du fun ensemble, à regarder un match de sport entre amis. C'est vraiment très, très cool. Donc, un petit peu de soccer, de football pour vous. Donc, ce quadruple laissez-passer est disponible pour la troisième personne qui va m'appeler au 819-376-5183. Le concours s'adresse aux gens qui nous écoutent en direct. On est le jeudi 3 juillet. Il est 16h13:45. Donc, si c'est vous, si ça vous représente, appelez le 819-376-5183 pour se laisser passer quadruple pour le resto-bar sportif L'Oriflamme pour aller voir un match de la FIFA. Appelez-moi maintenant pendant qu'on écoute Radio Radio. Voici Holiday. 819-376-5183. C'est fou. 89 FM. Any mini money mo vacation. Hop in on my ride, hop in dans mon pédalo. Any mini money mo, je suis sur ma. Any mini money mo vacation. Any mini money mo, il fait beau quand ça passe point trop. Je suis sur ma holiday. J'suis sur ma paid vacation, c'est confirmé. J'suis sur ma holiday. J'jump sur la beat pis c'est bon, bon. Mon freaky dicky bonne chanson, chanson. J'ferme les yeux de l'avant, c'est faux pis c'est bon pour le sang. Sang. Travaille trop fort, tu peux prendre des vacances. Mais plus qu'une semaine, ça vaut la peine. Voyage voir les baleines, tout proche la Seine. Là, tu peux s'aider ou tu peux sceller. L'autre bout du monde, c'est le temps pour toi-même. T'avais travaillé dur pour ta payday. Maintenant, c'est le temps pour les holidays. Sois coque-toi sur ta chaise à l'aise. Les pieds dans le sable, c'est easy. Oui, that lazy, c'est une merveille. Un, deux, trois, on se laisse aller. Sois prends une dip sur la Sunset Strip. Les vagues qui me chuchotent l'oreille comme le soleil qui me réveille. Après la magie non-stop qu'on a pris la veille. Double dip dip à la lemonade. C'est la best yes yes. Sous la shade. Shade, shade. Sous la shade. Shade, shade. Sous la shade. C'est des vacances de même. Sauf pour ta flat, pour ta chambre. Credit card ou debit card. Faut que tu prennes des vacances. De tes vacances avec du zone ou avec des personnes. Va sur ta trip, plein ta trip, man. C'est ça ma holiday weekend. Party dans ton days end. Ça c'est pas mal, pas mal. En vrai dans ta soirée. J'ai dit c'est pour la weekend. Days end. Ça c'est pas mal, en vrai. Si c'est en vrai. La soirée où ça file, ben j'dis d'être là. Quand ça La pièce Holiday de Radio Radio. Position numéro 19 francophone en ce moment, c'est... Ah, ouais. Radio-radio, oui, entre autres. Télé-télé, peut-être journaux-journaux. Pas qu'à la faire comme ça. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a des pubs? Donc voici le bloc pub. Venez au bon marché! Oui, papa! Tout le monde aime the Green Land. Je préfère le goût de Burger King! I love you and I kiss you! 4,99$ la minute. C'est le bloc pub où on parle évidemment de publicité et de marketing et de trucs qui se rattachent à ça. Évidemment, on essaie d'y aller avec des affaires un petit peu moins connues, qui ont moins fait le tour. Il y a une marque d'écran solaire, hein, de crème solaire, qui a demandé à des tatoueurs de chercher les signes du cancer de la peau. C'est au Brésil. Donc, pour Sol de Janeiro, hein? Donc c'est une compagnie, évidemment, de publicité, qui a fait une campagne... En tout cas, bref, qui montre une campagne de Hug Everyo. Voilà, ça, c'est le nom de la compagnie qui a fait la campagne publicitaire. Donc, 450 artistes du tatou ont suivi un training, bref, pour chercher chez leurs clients des signes de cancer de la peau. Donc, Sol de Janeiro, hein, qui s'est fié sur un oncologiste. Donc, c'est ça. Ben, ils ont essayé de monter un petit peu le taux de... Les gens sont au courant, finalement, que ça a lieu. Voilà. Donc, ils pointaient les gens vers leurs clients, vers des dermatologues. Giste. Oh, j'ai encore une que je de la misère aujourd'hui, ça n'a même pas d'allure. On reste dans la crème solaire. Neutrogena qui reformule, mais en fait, pas formule. Ils ne changent pas du tout de leur produit, mais c'est qu'à la place, ils vont envoyer ça dans une bouteille qui appelle ça autrement. Donc, on appelle ça un écran nuageux à la place d'un écran solaire, si on veut. Donc, dans le fond, c'est pour montrer, tout le monde sait, je pense, que les rayons UV passent au travers des nuages. Et même si c'est nuageux dehors, mais quand même, vous pouvez pogner un cancer de la peau quand même. Donc, c'est ce qu'ils essayaient de faire comprendre aux gens. Mais c'est ça, on sait qu'on peut avoir que les rayons UV passent quand même, mais on se met quand même pas d'écran solaire. Donc, ils ont sorti des bouteilles chez Neutrogena. Ils appelaient ça Cloud Screen. Ils ont fait une petite publicité que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Donc, maintenant, quand les gens vont à la plage et qu'il fait nuageux, on va quand même avoir sa bouteille d'écran de nuage au lieu d'écran solaire. Le frère de Kevin Bacon, Michael, fait des publicités pour le bacon de dinde. C'est pour montrer les bacon moins célèbres. Vous comprenez, genre. Donc, Michael Bacon, qui est un des deux frères... un des frères moins connus de la famille Bacon. Même s'il n'est pas complètement connu, il est lui-même la moitié du band The Bacon Brothers. C'est un groupe de musique, hein. Donc, il a accepté de participer à une campagne amusante pour Oscar Mayer. C'est une marque qui fabrique, entre autres, du bacon. Donc, pour faire la publicité de leur bacon de dinde, un bacon moins connu aussi. Donc, la vidéo est sur assemblagerequis.com. Ça vient de la compagnie 360i. Et donc, ça montre un petit peu le but de la campagne. Il fallait qu'on aille suivre Michael Bacon sur Twitter pour qu'il essaie de rattraper son frère un petit peu plus célèbre. Difficile quand même parce que Kevin Bacon a 431 000 followers alors que Michael, au moment où l'article a été écrit, en avait que 1300. On va aller voir combien en a en ce moment. 7872. C'est pas tant que ça non plus. Mais bon. C'est ça qui est plate avec les campagnes Twitter, c'est que tu vois comment ça fonctionne pas vraiment des fois. Donc, c'est ça, il disait qu'il fallait chercher les qualités, que chacun avait ses qualités, que ce soit le frère célèbre ou le frère moins célèbre. Et c'est ce qu'on fait avec le bacon chez Oscar Mayer. Bref, voilà. C'est se faire utiliser comme un morceau de viande, littéralement, mais ça n'a pas l'air de trop déranger le gars. Il y a une agence qui a... tiens, celle-là, je pense que ça vaudrait la peine d'aller l'écouter, qui a organisé un accident de voiture en direct à la radio, et c'était complètement arrangé. Donc, c'est la saison des prix en ce moment, des prix évidemment avec les Lions de Cannes, etc., etc. Donc, en Allemagne, il y a une campagne pour que les conducteurs arrêtent de parler au téléphone cellulaire. L'agence a donc installé cette cascade-là pendant une émission de radio en direct, non pas pendant une pause publicitaire, mais vraiment pendant l'émission, où une personne appelait pour demander une chanson. Et donc, qui admettait conduire sur l'autoroute. Et à partir de là, évidemment, ça ne se passe pas très bien. Donc, on va l'entendre, l'extrait, tout de suite. Environ 10% des accidents de voiture en Allemagne sont liés à l'utilisation d'un téléphone cellulaire. Depuis 2004, c'est illégal de parler au téléphone cellulaire pendant qu'on conduit. Mais 40% des conducteurs en Allemagne n'écoutent pas. Ils doivent écouter pour apprendre. Et quelle meilleure façon d'apprendre que de leur propre expérience? Hello? Accident de voiture en direct. Attention. Attention, la cascade suivante a été diffusée dans une, station, dans une émission de radio normale et non pendant une pause publicitaire. Voilà. Et maintenant sur le nouveau Alster Radio Rock'n'Pop, Foreigner. Vous pouvez voir en direct à Munich au Alster Radio Rock'n'Pop 2014 World Tour. C'est pas mauvais de la radio commerciale. On arrive à la fin de semaine, on est vendredi soir, c'est le moment du Friday Night Wish Show. Oui, bonjour, ici Christian. Christian, où êtes-vous en ce moment? Oh, je suis sur l'autoroute, je m'en vais jusqu'en ville. Tu vas faire du magasinage la fin de semaine donc. Quel est ton souhait du vendredi soir? Oh, j'aimerais beaucoup entendre. Ah! Christian! Alles okay bei Ihnen? Christian! On va réécouter l'extrait parce que je parlais par-dessus, mais j'avoue que c'était un petit peu. On va juste reculer. Bon. Und 14. Gleich schon mal zur Einstimmung. Auf dem Weg ins Wochenende, der Freitagsfeierabendwunsch. Moin, wen habe ich jetzt dran? Hey, hier ist der Christian, hi. Moin Christian, wo sind Sie gerade? Ich bin auf der A7 in Richtung Stadt. Also schön zum Wochenende noch ein paar Sachen shoppen gehen. Ja. Was ist denn Ihr Freitagfeierabendwunsch? Also ich wünsche mir von den... Christian, alles okay bei Ihnen? Christian! Fuck. Merde. Telefonieren am Steuer kann tödlich sein. Faire un appel pendant qu'on conduit peut tuer. Un rappel du German Road Safety Council. On apprenez en plus sur dvr.de. On a compris le principe. Ouais. Répondez à notre appel, ne répondez pas au vôtre. Voilà. C'est quand même bien. Je trouve que c'est bien fait. Le temps d'acteur est quand même là. De le faire dans une émission de radio, j'avoue que c'est beaucoup moins prévisible que dans une publicité. On s'entend que ça a été fait mille fois. Là, entre une pub d'un fast-food puis une pub de magasin de meubles, c'est une annonce d'un gars qui prend un appel en ondes. Ça va avoir l'air fake. Donc, de le faire dans une vraie émission de radio, je trouve que c'est du très bon calibre. Espérons que ça va peut-être gagner un prix aussi. Un magazine maintenant qui met la moitié de son nouveau numéro dans une capsule temporelle qui vont ouvrir en 2024. Donc, Dodo Magazine est rendu seulement à son deuxième numéro, mais ils ont quand même de grands plans pour le futur. Le magazine se fait un petit numéro Time Capsule, un numéro double. La moitié de l'édition est disponible maintenant et la deuxième moitié va être disponible en 2024 à tous ceux qui se sont inscrits à Dodo cette année. Donc, si vous suivez le site web et que vous envoyez une lettre à votre futur vous-même, vous allez aussi recevoir votre lettre envoyée à vous-même en 2024 avec l'autre numéro. C'est pas la première cascade de marketing. Dodo a imprimé une seule copie de son numéro 0 qu'ils ont enterré dans une capsule, dans un coffre au trésor que les gens intéressés doivent, dans le fond, trouver avec une carte. Super interactif. Donc, la capsule temporelle se fie sur, évidemment, le fait que les magazines imprimés vont encore exister dans 10 ans, ce qui est vraiment pas certain. Ensuite, une compagnie de contrôle des rongeurs, Decon, met des posters, des affiches disant que les souris sont recherchées. Donc, les rats et les souris ne sont évidemment pas en danger à New York City, où on dit qu'il y a environ autant de rats que de gens dans le Big Apple. Même certains disent qu'il y a 5 fois plus de souris que de gens. Mais la compagnie Decon, qui essaie d'éliminer cette petite bestiole-là, réclame sa victoire contre nos amis poilus en célébrant en public avec une nouvelle campagne amusante de Havas Worldwide. Dans une campagne intégrée, donc l'agence a installé des affiches recherchées avec une photo de rongeurs partout dans la ville, évidemment au niveau des yeux des souris en tant que tel. Vous pouvez même aller voir des vidéos où on voit la mort douloureuse de ces rongeurs-là. Une station de radio maintenant passe une publicité dans un journal où on annonce la mort de Ludwig von Beethoven. Hein? Donc Beethoven qui est mort il y a évidemment plus de 187 ans. Donc pourquoi est-ce que maintenant on annonce sa mort? Ben c'est TBWA Guat qui compte sur sur le choc que ça pourrait causer pour essayer de sauver la seule station de radio classique du Guatemala, Radio Faro Cultural, qui était sous risque de fermer, présumément parce que, bien évidemment, plus grand monde qui écoute de la musique classique. La campagne a attiré l'attention du ministre de la Culture du Guatemala qui est arrivé pour sortir la station du pétrin, un peu comme on a fait avec les banques aux États-Unis, sauver des choses qui, selon certains, pas moi, mais selon certains, ne devraient pas être sauvées. Ça dépend des gens. C'est évidemment une des seules façons de sauver un genre musical, un petit peu moins populaire sur un médium de moins en moins populaire, encore une fois, comme la radio. C'est bien malheureux, mais bon, je trouve que ça vaut la peine de les sauver, ces affaires, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Maintenant, on va à l'aéroport pour vanter un petit peu leur ligne aérienne. et ses sièges en classe affaires, la compagnie KLM Royal Dutch Airlines a décidé de donner deux billets en classe World Business Class à la première personne qui allait reculer complètement son siège. C'est des sièges d'aéroport qui ont été arrangés pour descendre comme ceux qu'il y a à l'intérieur de l'avion. C'est un banc d'habitude dans la salle d'attente, c'est pas super sophistiqué, c'est juste un banc. Mais là, on a installé des bancs d'avion qui se reculent vraiment comme dans l'avion. Donc, la première personne à le faire gagnait des billets en classe World Business. On reste à l'aéroport et dans le domaine des avions. Si les gens pouvaient littéralement voir comment ils sont plus relaxés dans un avion de British Airways, eh bien, peut-être que tout le monde comprendrait que la compagnie est bien meilleure que ses compétiteurs. Hein? C'est ce que dit British Airways. Donc, la ligne aérienne a demandé aux gens de porter un bandeau sur leur tête connecté à leur couverture. Et tout ça, dans le fond, c'était connecté à des couvertures qui changeaient de couleur basées sur comment les passagers se sentaient. C'est comme un genre de mood ring, là, comme les bagues dans le temps qui prenaient la température du corps et qui disaient si t'étais stressé. Donc la couverture devenait rouge lorsque stressé et si t'étais confortable, elle devenait bleue. Donc c'est évidemment pour s'auto-féliciter, se dire qu'on est bien meilleur que les autres. Ça révèle pas grand-chose de plus, mais quand même où les gens sont heureux dans un avion quand ils peuvent dormir du début à la fin. Voilà. Ensuite, la compagnie Whelan & Kennedy a gaspillé l'argent de son client, avec des publicités vraiment mauvaises, et c'était le but. Donc, engager un designer de mode pour faire un t-shirt pour un rat, hein, ou encore commencer une équipe de soccer qui est connue pour ses pertes, ses échecs embarrassants. Donc, ça a l'air d'une drôle de façon de faire la publicité, mais c'est quand même ce qu'ils ont utilisé pour une nouvelle émission de télé qui force des vedettes à trouver des façons divertissantes de se débarrasser de leur argent rapidement. Donc, quand même, c'est assez drôle. Donc, je vais faire entendre une publicité, une de ces pubs-là, pour une émission de télé. Donc, c'est... je vais chercher le nom de l'émission de télé. C'est 24 Hours to Go Broke, une nouvelle série sur UK TV. Et la campagne publicitaire est par Whedon & Kennedy. Par Whedon & Kennedy, oui. Donc, on va entendre la première publicité tout de suite. Créer un T-shirt pour un rat. Une valise pleine d'argent. Et 24 heures pour la dépenser. Donc, pour faire la publicité d'une nouvelle émission. Donc, ici, il arrive chez une couturière. Puis, avec un fer passé, des ciseaux. Il lui donne 250 livres pour une version miniature d'un chandail. Il arrive à l'animalerie. Et la petite souris arrive dans le chandail. Et ça dit 24 heures pour dépenser son argent, 24 heures pour devenir paumé. Les mardis à 22 heures. Voilà, c'est quand même assez simple. Ici, c'est commandité la pire équipe de football du Royaume-Uni. Une valise remplie d'argent. 24 heures pour la dépenser. On voit des joueurs de soccer, on voit des photos, des prix qu'ils ont reçus. Donc leur chandail, 300 livres pour commencer la pire équipe de... C'est de football, c'est bien ça, football? Oui. Donc derrière le chandail, c'est écrit ce soir, 22h, et le nom de la personne, Dave, et à l'avant, c'est le nom de l'équipe. Et évidemment, ils jouent au soccer, et ils sont super mauvais. Et tout le monde est bien crampé. C'est une bonne idée, c'est quand même... ouais, je sais pas, c'est... Moi, j'aime bien le concept. Je ne sais pas pour l'exécution. Il me semble que c'est quand même pas si pire. Il y avait aussi donné de l'argent à un fermier pour peinturer une publicité sur le côté de ses vaches. Payer un propriétaire de restaurant pour temporairement renommer ses fish and chips, son restaurant de fish and chips et son menu en hommage à l'émission. Payer un musicien de rue pour donner de l'argent au public à la place de faire le contraire. Et dans le quartier de Shoreditch... de Londres, c'est un quartier un petit peu plus artistique, de raser, ils demandaient aux gens de raser leur barbe dans un seau et ensuite ils utilisaient les poils pour créer des lettres pour faire un panneau publicitaire. Ensuite, des gens au Japon qui sont sous et tombent dans le coma, un petit peu tombent sous connaissance dans les escaliers. Deux agences, Ogilvy & Mather et Geometry Global, une chaîne de bar Yaocho qui nous montre ce phénomène étrange au Japon où les gens tombent dans les pommes quand ils boivent trop dans la rue. Donc, pour essayer d'attirer un petit peu d'attention envers ce problème-là, donc ils ont pris les sous qui étaient déjà dans les pommes dans le dans, devant public, si on veut. Et ils ont transformé ces gens-là en panneaux publicitaires, donc en mettant du ruban blanc autour et le hashtag Nomisugi qui veut dire trop sous. Donc on ne sait pas si c'est arrangé ou pas. Peut-être qu'ils ont demandé à des acteurs de faire les sous pour pouvoir faire le concept autour de ça. Mais reste que ça reste quand même drôle. Donc allez voir la vidéo qui montre comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. Le plus beau gars et la plus belle fille d'un collège qui donne des baisers gratuits dans une cascade pour de la gomme. C'est Immuno Gomme, un nouveau produit qui dit augmenter le système immunitaire. Okay? Ça dit que ça augmente, ça renforce. Améliore le système immunitaire avec des ingrédients comme le zinc, la vitamine C et l'équinacée. Pour faire la promotion de la marque, la compagnie Chick Labs et des étudiants de Chapman University dans le domaine du cinéma. Chapman University's Film School, bref. Ils ont créé cette vidéo-là avec une paire d'étudiants collégiens, les plus beaux et belles de l'école, selon ceux qui ont fait la publicité, qui donnaient des échantillons gratuits de la gomme et ensuite des baisers gratuits à des douzaines de leurs collègues sur le campus. Quand même inconfortable, ça ressemble un petit peu au truc, le First Kiss, là, pour l'étiquette Ren. Ils avaient fait leur publicité qui a fait le tour de Facebook, c'est un peu le même principe. Donc, c'est supposé avoir l'air dégueulasse. Le résultat est quand même innocent. Et c'est quelques petits bisous, un petit peu de rougissement et de rire. Voilà, donc le slogan, c'est « Gum with benefits ». Donc, « Gum avec avantage ». Quand même bizarre. Restons dans ce qui ce qui pourrait se transmettre avec un baiser, mais Purell. C'est mon lien, voilà, Purell. Et la chaîne TNT qui nous rappelle que le gel pour les mains désinfectant serait bien s'il y avait une pandémie globale. Donc, les masques à gaz sur l'affiche pourraient attirer le regard dans ce cas-ci. Mais c'est pas le. C'était au Grand Central Terminal. Ils ont pris toute la place il y a quelques semaines pour annoncer la nouvelle série de Michael Bay sur TNT qui s'appelle The Last Chip. Donc, dans l'émission qui a débuté le 22 juin, l'équipe de l'armée de la marine américaine, ils doivent sauver la planète après une grosse pandémie qui élimine 80% de la population. La campagne dans le célèbre Grand Central Terminal de New York mettait en vedette des affiches, des bannières et d'autres éléments avec des masques à gaz et des messages comme « Un virus, 6 milliards de personnes mortes, ne soyez pas le prochain ». Et donc, on avait un distributeur de Purell à côté. C'est du marketing pour l'émission et pour le produit Purell. BarkBox qui nous présente 30 secondes de fesses de chien comme publicité. Donc, BarkBox, c'est un service par abonnement pour les chiens. Et eux, ils font des publicités qui visent directement les chiens. Donc, on essaie d'entrer dans la tête de nos amis canins en 30 secondes. Donc, on leur permet de regarder directement une fesse de chien. Hein? Donc, la compagnie a même fait un casting call pour trouver les meilleures fesses, le meilleur derrière canin. Et les chiens ont l'air très heureux de regarder ça. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Une légende du football, donc du soccer belge, voilà. Et la compagnie de collation belge Hertha nous amène la Football Machine pour parler de leur Nike Football Snacks. Donc la marque a été chercher une vedette du football belge, Léo van der Helst, pour créer une machine distributrice à l'intérieur de laquelle les gens pouvaient défier der Helst à une partie. Donc, ils ont travaillé avec Biblio Digital et Hertha a placé un petit terrain de football à l'intérieur d'une machine distributrice. Quand les gens passaient devant, ils appuyaient sur un bouton, une porte s'ouvrait et Derest était là pour les affronter. Et si Derest était battu, j'imagine que ça arrivait assez fréquemment pour qu'on puisse faire goûter le produit aux gens, la personne qui l'avait défié recevait un emballage gratuit de NAC Football Snacks. Pas grand-chose de plus à dire, autre qu'aller voir le spot sur assemblagerequis.com, le case study. Quand je parle de case study, ça m'arrive une fois de temps en temps de parler de case study, parce que ça, dans à peu près chaque article que je mentionne, le case study, c'est quand on montre la façon que ça a été fait, donc, tu sais, quand ils vont expliquer, bon, tu sais, tel jour, telle heure, à telle émission de radio, comme tantôt, il s'est passé telle affaire, on a organisé ça pour faire ça. Quand il y a toute l'explication, c'est que ça vient directement de la compagnie qui a créé le concept publicitaire, donc c'était un case study. C'est pas la publicité en tant que telle, c'est pourquoi la pub a été faite, quel était le but, nanana. C'est le genre de blueprint, si on veut, de la pub. Ensuite, une poursuite dit qu'une femme a été victime de la campagne publicitaire épeurante de l'émission de télé Dexter. Vous connaissez sûrement l'émission de télé Dexter où un homme tue des gens qui, eux, ont tué d'autres gens. C'est un genre de Robin des Bois. du meurtre. Donc, Adjenefi Njewala, donc dit dans sa poursuite qu'elle est tombée, qu'elle s'est cassée la cheville, qu'elle a souffert d'une commotion cérébrale l'an passé après avoir eu peur lorsqu'une publicité a été affichée à Grand Central Terminal, on vient juste d'en parler, pour la dernière saison de l'émission de Showtime, Dexter. Donc, Njewala dit que dans son document pour la Cour suprême du Bronx, qu'elle a eu peur par l'image menaçante et choquante de la vedette Michael C. Hall, couvert de cellophane. Évidemment, le personnage dans l'émission Dexter enveloppe ses victimes de cellophane. Donc, elle est tombée dans les escaliers. Donc, elle s'est fait des blessures. Évidemment, elle s'est fait mal. Et la publicité, dans le fond, couvrait les escaliers qui menaient vers le Grand Central Shuttle Train. La Manhattan Transportation Authority, Showtime et la ville de New York sont nommés dans la poursuite. On voit il y a une photo sur assemblagerequis.com. Je croyais que c'était des rideaux, je croyais que c'était des stores au départ. On dirait vraiment des stores horizontaux, des lattes. Mais finalement, c'est des escaliers. Donc, c'est la face de Dexter qui est évidemment avec des autocollants sur chacune des marches d'escalier. Et on le voit lui-même couvert de cellophane et a l'air de regarder à travers les marches. Donc, ça, on voit ses yeux sur un escalier, son nez sur l'autre, la bouche sur l'autre. Donc, ça a fait peur à la fille. Elle est tombée assez blessée. Et pour terminer, ça, c'est, je crois, le plus intéressant jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous avez trouvé le reste intéressant. Moi, oui. Sinon, désolé. Donc, c'est des publicités extérieures qui servent aussi d'abri pour les sans-abri, en fait. Donc, c'est Design Develop, une firme de design d'architecture en Slovaquie qui a embarqué dans ce qu'on appelle le Gregory Project. C'est une initiative pour changer les panneaux publicitaires en vraies maisons, en tout cas appartements, petits appartements pour les sans-abri. Donc, on a utilisé des panneaux. Évidemment, des panneaux, il y en a un petit peu partout sur la route. Ils sont souvent à hauteur plutôt basse pour qu'on puisse les voir quand on est en voiture. Donc, le Gregory Project, ce que ça fait, c'est que ça construit des appartements de deux pièces entre les deux espaces publicitaires. Donc souvent, il va y avoir une publicité pour les gens qui vont dans un sens du trafic et l'autre dans l'autre sens, évidemment. Et ça va faire un triangle, un espace triangulaire entre les deux publicités. Et c'est là qu'on va construire les appartements. Donc il y a une pièce avec un petit corridor d'entrée, si on veut, une cuisine avec un petit bureau et un lit qui est plus en hauteur avec de l'espace pour ranger en dessous. Et l'autre pièce, dans le fond, le ennemi, c'est comme un ennemi. T'sais, aux États-Unis, on n'utilise pas la mention des ennemis ni nulle part dans le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui utilise les ennemis sauf au Québec, je pense. Je sais pas si je me trompe, mais il me semble que j'ai jamais entendu ça nulle part ailleurs. On parle d'un appartement à deux chambres. Quand on parle d'une chambre et d'une salle de bain, c'est deux chambres pour eux. Bref, pourquoi je vous explique ça? On s'en fout un petit peu. Mais ici, on dit deux chambres, donc dont une des pièces et la salle de bain. L'espace publicitaire donc aiderait à payer les coûts de la construction de ces appartements-là. Et les maisons seraient déjà branchées pour l'électricité parce qu'évidemment, il y a déjà de l'électricité dans les panneaux pour les afficher, pour les éclairer la nuit. Donc, l'électricité est déjà là, pas besoin de faire plus de travail pour ça. Donc, très, très bonne idée pour optimiser les structures existantes. Parce qu'il y avait déjà le triangle entre les deux, il n'y avait juste rien dans le triangle. Et évidemment, ça n'empêche pas personne de voir la publicité. Et si on regarde les photos sur assemblagerequis.com, on peut voir que le triangle sert vraiment bien parce que chaque pouce, chaque centimètre est bien utilisé. Il y a même des fenêtres qui mènent vers l'extérieur, vers le boisé dans ce cas-ci. Et il y a des escaliers en dessous des pancartes qui mènent vers l'intérieur de l'appartement. Donc, on monte les escaliers à partir du gazon. Il y a un petit trottoir et tout ça. Ils ont vraiment fait du beau travail, un trottoir. Quand même un trottoir. C'est super beau. À l'intérieur de l'appartement, on voit vraiment l'intérieur est en bois lustré. Tout est parfaitement moderne. La chaise est en genre de stainless ou en métal courbé. C'est vraiment joli. Donc, allez voir ça. Et ça va peut-être être gâché avec le sans-abri à l'intérieur qui va tout à l'heure. Mais bon, à un moment donné, hein, ça va être temporaire, j'espère, pour lui ou pour elle. Donc, allez voir les photos et tout ça sur assemblagerequis.com. C'est super. Voilà pour le bloc pub. Un petit 20 minutes bien passé à parler de marketing. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Allez voir tout ça sur le site. Plus tard à l'émission, il nous reste encore Sex Mais Ça Ne Répond Là. Je pense que c'est pas mal la grosse chronique qui va nous rester à faire. On verra ce qu'il nous reste, le temps qu'il nous reste pour le reste. Voilà. On est rendu à prendre une petite pause. Au retour, plus d'assemblage requis sur C'est fou. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées, toujours avec Mathieu Plante, seul cette semaine, malheureusement. Mais quand même, malheureusement, oui, c'est vrai, c'est dommage, c'est un peu même plate par moment quand je suis seul. Mais ça me donne la chance de vous parler de quelque chose et de vous donner un petit cadeau pour les gens qui nous écoutent en direct le jeudi 3 juillet. Donc jeudi 3 juillet, si vous êtes, si c'est vous, ça. J'ai deux paires de billets. Pour demain, vendredi 4 juillet, au Festivois. C'est cool, ça. Demain, un spectacle, entre autres, Mac DeMarco, Groenland, Half Moon Run, Pierre Lapointe, Antoine Corriveau va être là. Donc, des grands noms, des choses vraiment bonnes. Et j'avais envie de vous donner donc ces deux paires-là. Si vous m'appelez au 819-376-5183, 819-376-5183, je prends le deuxième appel et on écoute Groenland. Voici The Chase tout de suite. 819-376-5183 pour les auditeurs du jeudi 3 juillet pour gagner vos billets, votre paire pour vendredi. Bonne écoute. 819-376-5183. But it's only just begun. And you may think that you can get rid of us. We're having too much fun. C'était Groenland, oui, et The Chase. Miam, miam, miam. À Assemblage Requis, on félicite Loïc qui a gagné sa paire de billets pour le Festivois demain soir, vendredi 4 juillet. Félicitations à lui. Il va y avoir une autre paire tantôt. Ouais, il reste encore une heure d'émission, donc on devrait avoir le temps de faire ça tantôt. Aussi, l'événement à l'Oriflamme, resto-bar sportif pour la Coupe du monde de la FIFA. Donc, reste à l'écoute tout à l'heure pour ça. Pour l'instant, par contre, toujours à Assemblage Requis, c'est le moment de faire le plus art du hasard. Parce que quand quelque chose passe à travers les cracks de l'émission, qu'on ne sait pas dans quelle chronique mettre ça, tout se filtre vers le plus art du hasard. Hein? Si vous n'êtes pas capable de passer à autre chose après une rupture, le site match.com veut vous matcher avec quelqu'un qui ressemble exactement à votre ex. Tu sais, quand ça a de mauvaises idées, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous l'offrir. Hein? Donc oui, quelqu'un qui ressemble exactement à votre ex. Le site de dating en ligne, c'est un site très connu qui existe depuis longtemps, match.com. Ils ont un partenariat avec 3-Day Rule. Okay? Ils vont utiliser un système de reconnaissance faciale, logiciel, pour vous offrir exactement ce que vous voulez. Donc vous leur donnez une photo de votre ex, ils s'occupent du reste pour seulement 5 000 $. Hein, ça pourrait valoir la peine pour vous. Sinon, peut-être que vous pourriez juste trouver quelqu'un avec qui sortir basé sur peut-être la personnalité. Hein, peut-être. Peut-être les choses en commun. Mais bon, l'apparence est bien importante pour certains. C'est pas le seul critère, tu sais, parce que c'est bien beau une personne qui ressemble à ton ex, ça veut pas dire qu'elle va être comme elle, tu sais. En même temps, si t'es plus avec ton ex, peut-être que c'est une bonne chose, c'est pas comme elle. Non. C'est tellement métal. Le prochain, c'est un groupe de death metal qui joue dans une boîte à l'épreuve du son. Et à l'épreuve, en fait, de l'air jusqu'à ce qu'il manque d'oxygène. Hein? Donc, c'est une boîte soundproof et airproof. C'est l'artiste portugais João Onofre qui invite des bands metal du coin pour faire une pièce, en fait, plusieurs pièces potentiellement. Et le groupe joue dans cette boîte-là jusqu'à ce qu'il manque d'air. On ne sait pas s'il essaie João Onofre d'éliminer les groupes du pays pour avoir le marché à lui-même, mais bon. Donc, influencé par la sculpture minimaliste de Tony Smith, Die, en 1962, cette boîte d'acier est un endroit mobile pour les performances musicales. Et à chaque endroit où on l'amène, donc dans le fond, la sculpture voyage d'endroit en endroit et Onofre invite un groupe local de death metal à jouer à l'intérieur. Comme j'ai la boîte, il n'y a aucun son qui sort de là, OK? Donc, la durée, c'est ça. Dans le fond, il n'y a personne qui peut entendre rien à l'extérieur de ça. Et la durée de la performance est basée sur le temps qu'ils peuvent durer sans avoir d'oxygène. À l'extérieur du cube, les spectateurs, observent juste le groupe jouer en tant que tel. Il y a des vibrations un petit peu autour de la boîte. Ils voient seulement l'entrée et la sortie du groupe. C'est vraiment cool. En fait, c'est ça. Je regarde, il y a une petite, pas une vidéo, mais une petite photo. Et on ne voit pas le groupe en tant que tel jouer. Donc, le groupe pourrait juste rien faire à l'intérieur de la boîte et il n'y aurait personne qui le serait. Je ne sais pas s'il y a un enregistrement, qu'est-ce que ça donne. Moi, j'aimerais entendre l'enregistrement à l'intérieur de la boîte parce que il y a des coquilles d'œufs, un petit peu comme dans les studios d'enregistrement, des coquilles d'œufs sur tous les murs de la boîte. Donc, je me demande quel son ça donne quand tu enregistres ça. Moi, je serais intéressé à entendre ça. Ensuite, c'est difficile de garder son courant pour un appareil, un gadget. Mettons, t'arrives à la fin de la journée, moi, il est rendu 9h, j'ai plus de batterie sur mon iPhone parce que j'ai plein d'applications Bluetooth qui se fait aller sur ma montre, puis ci, puis ça, puis ça compte mes pas, puis un paquet d'applications qui, moi, me servent, mais en même temps, je sers pas à grand-chose en tant que tel. Donc, pour plusieurs personnes, c'est difficile de garder son téléphone ou son iPad ou peu importe ouvert jusqu'à la fin de la journée. Et là, tu manques des appels importants, tu manques des notifications Facebook. Qu'est-ce que tu vas faire à l'apocalypse? Donc, on est obligé des fois d'acheter un battery case, qu'on appelle, où tu peux insérer ton téléphone dedans et tu as une deuxième batterie. Puis ça fait que ton téléphone est super épais, mais tu peux durer plus longtemps. Puis c'est laid, c'est lourd, c'est pas le fun. Ça prend de la place dans tes pantalons. T'as l'air d'avoir, une boîte à lunch, un sandwich dans ta poche. Donc, les fans de gadgets qui vivent à Boston ou à Cambridge dans Massachusetts vont bientôt pouvoir s'asseoir sur un banc de parc qui va les aider à charger leurs gadgets. C'est le Soofa Bench, S-O-O-F-A, avec un panneau solaire rectangulaire sur le banc, avec deux ports USB. Le panneau solaire peut charger deux gadgets en même temps. Les bancs coûtent environ 3 000 $ chacun et peuvent confortablement asseoir 3 adultes. Une application va aider les fans de tablettes et de smartphones de Boston à trouver un Soofa Bench avec un port libre quand ils en auront besoin. La compagnie travaille aussi avec les campus d'université et de collège pour pouvoir amener les bancs Soofa et les installer sur le campus avec un partenariat, j'imagine, peut-être un affichage de logo pour réduire les coûts, quelque chose. L'idée est vraiment très, très bonne. T'arrives dans un parc, je veux dire, c'est l'endroit parfait pour prendre une petite pause de 15 minutes, charger ton téléphone pour peut-être avoir quelques heures de plus d'utilisation. Je trouve ça parfait. Et justement, si t'as pas ton fil ou t'as personne qui a un fil autour de toi, tu peux juste aller prendre une marche. Ça donne une raison de marcher vers le parc. Magnifique, il est. Ça, c'est plus pour moi. Je vous dirais que je suis pas certain que ça va plaire à beaucoup de monde. C'est le eBay Valley. pour les gens qui sont trop paresseux pour remplir une page de vente d'articles sur eBay. J'ai essayé moi-même de vendre quelque chose sur eBay. On s'entend que j'ai rempli ma part de formulaire dans ma vie jusqu'à maintenant. Je pense que je suis quand même rendu assez pro. Mais pour eBay, je trouve ça compliqué en titi. C'est vraiment difficile parce qu'il faut que tu juges le poids, la grandeur, la profondeur du paquet, tu sais, tous les détails techniques. Il faut que tu aies copié-collé du site du manufacturier, la date que tu l'as... Plein d'affaires, c'est super compliqué. Donc, si vous êtes comme moi et trop paresseux que vous voulez vendre quelque chose sur eBay, il y a une application pour ça. Évidemment, il y a toujours une application pour ça. eBay Valet, un peu comme un valet pour une voiture qui va aller stationner ta voiture pour toi en lui donnant les clés. Ça va vendre le produit de ta part à la place. Donc, comment ça fonctionne? Tu prends une photo de ton article que tu veux vendre, tu l'envoies au valet via l'application, bien sûr. Le eBay Valet va ensuite s'occuper de tout le reste. Ça va évaluer le produit, vous donner un estimé de combien ça vaut. Ça va le lister, ça va éventuellement peut-être le vendre pour toi. Ils vont vous envoyer même une boîte, et ça, c'est vraiment magnifique, une boîte prépayée pour pouvoir envoyer l'article à eBay. Donc, même pas besoin d'aller au bureau de poste pour aller... T'sais, ben oui, il faut aller au bureau de poste pour livrer le paquet, là. T'sais, mais ça, c'est juste le dropper, là. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Mais tu n'as pas besoin d'aller acheter une boîte. Bon, est-ce que c'est la bonne grandeur? Est-ce que ça va peser trop lourd? Est-ce que j'en ai par avion, par bateau? Hein? Donc, ça va être beaucoup plus simple. La boîte est envoyée. Vous le renvoyez à eBay. Et eBay s'occupe de tout le reste. Et si finalement le produit est vendu, ils vont vous envoyer, bien évidemment, il faut bien qu'ils prennent une cote à quelque part. 70% des profits. Donc, ils prennent 30% des profits, mais en même temps, tu sais, 30% c'est le standard. Le iTunes prend 30% de tout dans la vie des artistes. Donc 70% des profits à toi, juste pour prendre une photo et t'économiser, te sauver tous les tracas de la vente sur eBay. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Pour vrai. eBay Valet. Celui-là, j'aurais aimé que Stéphanie soit là pour l'entendre. Si vous voulez dîner, souper, entouré de pénis, vous pouvez aller au restaurant Delmus. Delmus, c'est quelque chose comme ça. D-E-U-L-M-U-S-A-E. C'est à Pocheon, en Corée du Sud. Et c'est rempli de partout d'engins masculins. C'est quelque chose à voir. Même à l'extérieur de la bâtisse, il y a un gigantesque machin avec un énorme... je comprends pas comment un gland pourrait être aussi grand par rapport au reste de la verve. Donc, désolé pour les termes médicaux ici. Il y a même une petite statue, mais en fait, une petite statue grandeur humaine avec un énorme champignon comme bout. Allez voir ça, c'est quelque chose à voir. Il y en a que ça va, pour qui ça va enlever l'appétit, donc pour qui ça va donner de l'appétit. La police allemande s'est excusée pour avoir donné une contravention à un homme à un seul bras parce qu'il se promenait à vélo avec un seul frein. Oh oui, c'est vrai. Donc, c'est un homme qui n'a qu'un bras en Allemagne. En fait, on dit ça qu'il n'a qu'un bras. Non, il y a un bras. C'est déjà mieux que pas en avoir, premièrement. Puis ceux qui n'en ont pas, c'est bien correct aussi, tu sais. Donc, un homme à un bras en Allemagne a reçu une excuse complète et un remboursement de la police après qu'un officier un petit peu zélé lui a donné une contravention parce qu'il faisait du vélo à un seul bras. Bogdan Ionescu, un travailleur dans un cinéma, il travaille au box-office d'un cinéma à Cologne. Donc lui, c'est ça, pour se promener en ville avec son vélo, ben, il l'a modifié, lui permettant d'opérer les deux freins avec un avec sa main qu'il a et l'autre avec ses pieds. C'est comme ça qu'il fait fonctionner l'autre frein. Mais le 25 mars, il a été arrêté par un officier de police qui lui a dit qu'il était contre la loi. Donc, selon les lois allemandes, les vélos doivent avoir absolument deux freins sur les poignets, qui disait le policier. Okay? Deux freins sur les poignets. Après s'être chicané avec le policier sur le bord de la route, l'officier lui a dit que son vélo valait pas la peine. Dans le fond, il était pas correct pour la route. Et on lui a demandé de payer 25 €, 20 livres. Donc, l'incident a été enquêté par un journal local, le Kölner Stadtanzeiger. Bien sûr, qui a découvert qu'avec ces modifications-là, en fait, le vélo est complètement légal. Oui, donc la semaine passée, la police a bien voulu rembourser le gars, mais il disputait le nombre de dollars à lui remettre. On disait que 5 € étaient à cause du frein manquant et les 20 autres étaient pour une mauvaise lumière qui ne fonctionnait pas sur son vélo. Mais M. Ionescu a réussi à prouver qu'il avait deux lumières qui fonctionnaient sur ses pédales. En fait, c'est des lumières qui fonctionnaient avec ses pédales. Donc, quand il pédalait, ça faisait aller les lumières. Donc, peut-être qu'en effet, les lumières s'éteignaient quand il n'était pas en train de rouler. Mais ça, c'est pas bien important, hein? Donc, lundi, la semaine passée, l'incident a été ramassé par la presse nationale. Et finalement, la police a dit au Kölner Stadtanzeiger, le journal, qu'ils avaient offert un remboursement complet à M. Ionescu. C'est une bonne nouvelle. Deux dernières choses à vous mentionner dans le puzzle du hasard. Encore une fois, pour ceux qui suivent pas, on vous parle de tout ce qui ne fait pas dans une autre chronique des assemblages requis ou du Mathieu Plancheau. C'est le puzzle du hasard. Si vous aviez envie, là je dis au passé, si vous aviez envie de faire votre lavage, mais que vous n'aviez plus de 25 cents, le service Washboard aurait pu vous être utile. C'est un concept juste pour vous. Donc, Washboard était un service mensuel qui vous envoyait des 25 cents pour pouvoir utiliser votre monnaie pour faire votre lavage. Donc, pour 15$, il vous envoyait 10$ de 25 cents. Okay? Donc, il y avait un petit 5$ qui se perdait quelque part, le tiers, 33% qui se perdait quelque part. Vous pouviez monter à un autre cran, 27$ pour avoir 20$ de 25 cents. Le projet était brièvement sur Product Hunt, mais éventuellement, ils ont dû se retirer parce que le concept était violait en fait les termes du service du Payment Processor, donc ceux qui s'occupaient des paiements. Le projet n'a pas réussi à aller ailleurs non plus parce que ça violait chacun des termes de service de tous ces autres endroits-là. Probablement mieux comme ça parce que, je veux dire, c'est comme 33%, c'est proche de 50% d'argent qui se perd à un moment donné. Je sais pas. Pour avoir les 25 cents, c'est pas dur à avoir, là. C'est pas si dur que ça, mais bon. Et finalement, ma nouvelle préférée cette semaine, j'étais fan quand j'étais jeune du jeu Q-Bert. Peut-être l'étiez-vous aussi, Q-Bert, Q avec une petite étoile, B-E-R-T. Il y a Q-Bert Rebooted qui s'en vient. Yeah! Après, c'est quoi, Burger Time qui avait été refait il y a quelques années, Pac-Man qui est tout le temps de retour, tous les jeux du passé qui sont de retour, même la petite grenouille, le Frogger, était de retour à un moment donné. Donc Q-Bert revient. Cette année, dans Q-Bert Rebooted, un nouveau jeu qui va offrir l'expérience d'origine de Q-Bert dans sa version 2D pixelisée et une version 3D avec des graphiques modernes et une jouabilité moderne aussi. Donc, le projet multiplateforme est co-développé par Gonzo Games et Sideline Amusements qui ont acheté la licence de la marque Q-Bert de ses propriétaires originaux. Par rapport à la propriété intellectuelle, c'était Sony Pictures Entertainment qui l'avait avant. Donc, la version originale de Q-Bert est sortie par la compagnie Gottlieb aux arcades en 1982. Q-Bert Rebooted permet aux joueurs de jouer en deux modes différents, Q-Bert Classic et Q-Bert Rebooted. Le premier, c'est le jeu d'origine en 2D avec une pyramide isométrique et de cubes colorés. La deuxième version utilise un champ composé d'hexagones qu'on peut voir dans la capture d'écran sur assemblagerequis.com et met en vedette plusieurs nouveaux personnages jouables, plusieurs nouveaux ennemis, des power-ups, des pièges et plus encore. Donc, en plus du Q-Bert qu'on connaît tous, les joueurs vont pouvoir jouer avec Q-Zerd, Q-Bertha, Q-Bot, Q-Zilla, Q-T et Q-Knight. Il y a aussi Q-Unicorn et Q... non, c'est ça. C'était le dernier. Q-Unicorn, c'est quand même un beau petit nom, là. Q-Unicorn. C'est cute. Donc, ils vont aussi faire face à de nouveaux ennemis, en plus de Hog, Wrongway et Coily, qui étaient ceux dans le jeu d'origine. Les joueurs vont donc avoir des nouveaux monstres comme Homer et Uppercut, un gant de boxe qui frappe partout. Donc, Q-Bert Rebooted va être lancé le 8 juillet prochain sur Linux, Mac et Windows pour 5$ via Steam. Cette version-là va être jouable avec une souris ou une télécommande. Et après ça, Gonzo et Sideline Amusements vont planifier sortir le jeu sur Android et iOS. Là. Version tactile, tu sais comment j'aime pas les jeux tactiles parce que mes doigts sont ben trop gros. Et ensuite, sur Amazon Kindle Fire et sur le Nook de Barnes & Noble. Donc, Q-Bert, nouveau genre. J'ai hâte. Q-Bert Rebooted. C'est tellement cool, Q-Bert. Pas quoi. Bref, allez voir, il y a un petit genre de gif animé. Là. J'ai essayé de voir si on pouvait cliquer dessus. J'ai essayé 3-4 fois, j'ai pas réussi, mais bref. Parce qu'il est supposé, les gens, on dirait qu'il y a comme une version simili démo en ligne, mais bon. Donc, allez voir assemblagerequis.com. Voilà pour le puisard du hasard. Ça nous amène à continuer notre belle petite émission. Hein? On était rendu, tantôt, on avait fait tirer une paire pour le Festivois. Pour demain, vendredi 4 juillet. Pour ceux qui nous écoutent, jeudi le 3 juillet, il est 17h04 en ce moment. Si c'est vous, appelez-moi au 819-376-5183. Je prends encore le deuxième appel. Vendredi 4 juillet, en spectacle, Mac DeMarco, Groenland, Half Moon Run, Pierre Lapointe, Mac DeMarco, je l'ai dit, et Antoine Corriveau. Tout le monde, vendredi 4 juillet, en spectacle au Festivois. Ça va être génial. Et évidemment, C'est Fou est partenaire du Festivois cette année encore. Donc, on va écouter une pièce. On va écouter une pièce. Tantôt, on a écouté Groenland. J'ai envie d'écouter Mordicus. C'est pas demain soir, Mordicus. Mais ils sont quand même là au Festivois, donc je les fais jouer au moment. Sur les palmarès francophones en ce moment. En ce moment. Le jeu de mots avec au moment. C'est quand même drôle. 819-376-5183 pour vos billets, vos laissez-passer. On a une deuxième paire à faire tirer. Festivois demain. 819-376-5183. Vous êtes à Assemblage Requis au 89 FM, c'est fou. We'll be right back. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante, seul à l'animation aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas tanné de gagner des choses, parce que moi, je ne suis pas tanné de vous en donner des choses. Hein, puis, je me sens généreux aujourd'hui. C'est la dernière journée avant mes superbes vacances de 4 semaines qui s'en viennent. Je ne vais pas vous rendre jaloux, mais quand même, c'est la première fois en carrière que je prends des vacances. Donc, je me suis dit, m'en prendre des bonnes. Hein? 4 semaines, 1 mois, le mois de juillet au complet, je ne serai pas là. Mais avant de parler de mes vacances, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est votre plaisir autant que le mien. Hein? Donc, votre plaisir pourrait être à l'Oriflamme, Resto Bar Sportif, parce que jusqu'au 13 juillet, on vous présente la Coupe du Monde de la FIFA à l'Oriflamme avec un buffet du sportif. Normalement, c'est 18,95 $ pour des ailes, côte levée et pizza à volonté. À volonté pour les sportifs, je pense que ça va être bon. Donc, dans le cadre de la Coupe du Monde, c'est fou. Et l'Oriflamme sont fiers de vous offrir un laissez-passer quadruple, incluant un souper par personne, donc pour les 4 personnes, pour assister à un des matchs de la Coupe du Monde de soccer de la FIFA, présenté sur 24 écrans géants. Pas un, pas deux, pas trois, pas, je pourrais continuer longtemps. 24 écrans. Donc jusqu'au 13 juillet au Resto Bar Sportif L'Oriflamme, ça vous le savez, c'est sur le boulevard des Forges. Donc on vous donne ça, un laissez-passer quadruple. Si vous voulez plus d'informations, c'est info à commercial l-oriflamme.com. Ils ont des brunchs samedi et dimanche, sport, ambiance, gastronomie, 819-693-4774 et leur numéro de téléphone. Donc nous, on vous offre le laissez-passer quadruple si vous nous appelez au 819-376-5183. Ça sonne déjà, donc on s'en va entendre une chanson, pour vrai, là. On s'en va entendre une chanson, continuez de sonner, là, t'sais, partez pas là. On écoute une nouvelle chanson c'était La Bronze, La Jeunesse Féline. Moi, je réponds au téléphone, pense. OK, j'y vais, juste écoutez ça. Don't Nouvelle entrée de La Bronze sur le palmarès francophone, c'est la jeunesse féline. Je trouve ça vraiment bon, cette chanson-là, La Bronze. Merci en passant de participer à nos concours aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais tout le monde participe. Donc, félicitations à notre ami qui nous a téléphoné. C'est notre ami s'appelle Jean-Baptiste, voilà, qui a gagné ses billets pour l'Oriflamme et la Coupe du Monde de la FIFA. Voilà. Toujours ensemble à Joaquim. Maintenant, on va s'acheter des choses. Hein. Là, j'ai donné des choses, c'était gratuit. T'sais, on s'entend que c'est plaisant quand c'est gratuit, mais dans ce cas-ci, ça va vous coûter assez cher. Voici, ça existe, mais ça devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets inutiles d'assemblage requis. Je pense qu'on va avoir un petit peu de plaisir avec ça parce qu'il y en a des bons aujourd'hui. Il y en a toujours des bons, mais on dirait que c'est particulier aujourd'hui. Les gens aiment le vin, j'entends dire. J'ai entendu de sources sûres. On vient de me texter l'information. Oui, c'est clair, les gens aiment le vin. Les gens aiment aussi le café. Mais est-ce qu'on veut mélanger notre vin et notre café ensemble pour faire un genre de gros buzz matinal en canette? Hein? De mauvaises choses peuvent arriver quand on met des choses en canette. Peut-être que vous avez vu passer les photos ou la vidéo même du hamburger, cheeseburger en canne. Comment c'est la chose la plus dégueulasse que vous avez vue de votre vie. Si vous n'avez pas vu ça, allez chercher hamburger in a can, please. Donc, dailycoffeenews.com nous amène cette offre promotionnelle de la part de Friends Fun Wine qui, eux, vendent du fun wine in a can, donc du vin amusant en canette à 6% d'alcool par volume. Depuis un bon moment. Mais maintenant, il s'aventure dans le domaine caféiné avec le Cabernet Coffee Espresso et le Chardonnay Coffee Cappuccino. On ne sait pas encore s'il y a vraiment de la caféine dans la canette ou c'est juste du vin à saveur de café, ce qui serait sûrement dégueulasse. Mais bref, ces combos qu'on dit faciles à boire, je ne sais pas si ça veut dire que ça coule bien en bouche, je ne sais pas pourquoi. Mais ça a la saveur riche d'un raisin cabernet frais, du café espresso et un tout petit peu de chocolat. Alors que le chardonnay, ça a l'air un petit peu plus sucré. Ça dit « sucré, rafraîchissant, un raisin chardonnay avec du café cappuccino à la vanille et quelques notes de chocolat doux. » Moi, je l'essaierai. Très franchement, je l'essaierai maintenant, tout de suite, s'il vous plaît, si on peut me livrer ça en studio au 3351 Boulevard des Forges. Non. Donc, c'est Friends Fun Wine, la compagnie. Allez voir ça sur assemblagejockey.com. Rafraîchissant l'été, je trouve. Pour les bébés, les petits bébés qui aimeraient avoir l'air un petit peu plus fort, parce que vous savez, les douchebags, ça aime ça se prendre en photo avec ses muscles dans le miroir, « check my pipe ». Le bébé peut pas faire ça. Il aimerait ça pouvoir faire ça. Il faut que vous achetiez pour votre bébé « Strongman Romper Suit ». C'est pour donner des abdos et un physique particulièrement, fort. Non, un meilleur mot que fort. Fendant, prétentieux. Donc, le tissu est un mélange de polyester doux et de spandex. Donc, vous n'avez pas à penser au confort. C'est clair que ça va être confortable pour bébé. Le Strongman Romper Suit, disponible en 3 grandeurs, 6 mois, 12 mois et 18 mois, ce qu'on appelle aussi un an et demi, pour 31$ américains. Pour compléter l'habit, vous pouvez aussi acheter ce dont on a déjà parlé dans une précédente chronique, ça existe, les Buff Baby Dumbbell Rattles, qui est un petit jouet pour bébé, mais en forme de dumbbell. Dumbo, dépendant de comment vous le prononcez. Vous vous rappelez peut-être, lors de votre enfance, jadis, du Trapper Keeper. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible. C'était le Trapper Keeper, c'était un cartable qui, évidemment, se fermait. Et après ça, tu avais un gros flap sur le côté droit. Un genre qui faisait quasiment la moitié de la largeur avec un aimant pour refermer le cartable. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, c'est de retour, les Trapper Keeper. Ces cartables-là où on peut mettre papier, dossier et autres trucs. Donc, ils sont de retour, mais cette fois-ci pour votre tablette. Donc, ça ressemble pareil à un vrai Trapper Keeper de l'extérieur. À l'intérieur, ils ont un silicone four-corner base, donc une base de silicone qui peut attacher la tablette par ses coins. Donc, on utilise ces bandes-là pour tenir la tablette. L'intérieur a un tissu de microfibre pour protéger votre écran. Et le flap, le truc sur le côté pour fermer le tout, a des aimants pour tenir évidemment le tout en sécurité. L'étui s'ouvre pour faire un stand horizontal pour pouvoir taper si vous insérez un clavier et tout ça à l'intérieur. Et non seulement ça a le même design que le Trapper Keeper, mais le nouvel étui de Kensington est aussi disponible dans d'autres cahiers de composition. Attends un peu. aussi disponible en cahier de composition. Tu peux aussi écrire à l'intérieur. Tu peux avoir le format peachy, le format floral avec des fleurs, stripes avec des bandes et même des couleurs solides. Ça vient en deux grandeurs. Un pour les tablettes de 7 à 8 pouces pour 25$ et un pour les tablettes de 9 à 10 pouces pour 30$. Ça va être disponible au mois de septembre. Je sais pas trop ce que vous voulez dire par le cahier de composition, mais je crois que ça veut dire que tu peux écrire à la main avec un stylo à l'intérieur de ce petit cartable-là. Donc voilà pour les Trapper Keepers pour un petit retour dans les années 90. Vous avez peut-être une relation disons, de longue distance. Peut-être que vous vous ennuyez votre enfant, votre femme, peu importe, votre compagnon de vie. Et la technologie, ça a changé comment les gens communiquent. Et maintenant, les gens communiquent seulement par message texte. Et des fois, comme on l'a dit, à longue distance, les messages textes, le Skype, les courriels, les télégrammes, je sais pas trop quoi, c'est pas assez. On se sent pas assez proche de l'autre. Tu sais, hein? Conférence vidéo, c'est pas assez. Pour amener les choses un petit peu plus loin à la prochaine étape, on a les gens de Frebble qui ont... en fait, c'est un produit qui ressemble un petit peu à un joystick de jeu vidéo modifié. T'es supposé le prendre dans ta main et l'autre personne dans sa main aussi, comme un joystick. Et ça va permettre de ressentir comme si tu tenais la main de l'autre alors que t'es à une longue distance. Hein? Donc, une personne va squeezer son Frebble et ça va envoyer le squeeze à l'autre personne dans l'autre Frebble. C'est ça, ça va pas être exactement comme une main parce que c'est comme un genre de plastique, sûrement caoutchouté un petit peu, mais ça va ajouter un petit peu plus à votre conversation. Frebble est en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. On demande 99$ pour votre propre paire. Donc Frebble, kickstarter.com, cherchez Frebble. Je suis en train de visiter en ce moment et il nous reste encore 28 jours pour ramasser de l'argent. Il y a 109 backers qui ont donné 11 728 sur 50 000. Donc, on est rendu peut-être au cinquième environ, 20%. Ça avance tranquillement pas vite, mais encore une fois, 28 jours, on pourrait vraiment se rendre. Les poignées, j'y trouve bizarre. On dirait pas... j'aurais fait ça plus d'apparence main. Parce que ça ressemble vraiment comme, je sais pas, à un oiseau, à un cygne, quelque chose comme ça. Peut-être à un robinet de plastique ou... Je sais pas, je suis pas sûr du look, mais j'aime le concept. Je trouve ça bien. Ça fait penser aux objets sexuels à distance aussi. Je dis ça de même. Si c'est pour shaker puis squeezer, peut-être que ça peut servir à d'autres choses que juste la main. Ceux qui ont tendance à faire des dégâts, sûrement que vous comptez là-dedans. En tout cas, la plupart des gens que je connais se comptent dans le camp des faiseux de gaffe. Donc ici, pour les maladroits, si vous pilez dans des flocs de boîtes, peut-être que vous devriez vous acheter une bouteille de Liquid Off. C'est un spray hydrophobe qui va évidemment aller sur n'importe quel manteau, pantalon, souillé. Sauf que contrairement à d'autres trucs comme ça que vous avez déjà entendu probablement ou vu sur Internet, celui-là est fait à base d'eau. Hein? C'est le premier spray à base d'eau. Qui est hydrophobe. C'est étrange, il est fait à base d'eau, il est hydrophobe. Arrivé sur le marché. C'est pas le premier. C'est un des premiers. Ouais, c'est ça. Mais c'est un des seuls à être à base d'eau. Bref, le créateur Harold Stewart a eu l'inspiration après avoir gardé les enfants de son frère ou de sa sœur, sibling. Et puis il a remarqué que les enfants pouvaient faire beaucoup de dégâts, donc il a essayé d'apprendre un petit peu sur la technologie-là, sur cette technologie-là, et ça a donné. Ça, vous pouvez aller voir la vidéo où on voit vraiment que même le jus de fruits ou peu importe ce qu'il utilise ici n'atteint pas du tout le tissu de son soulier. Donc Liquid Off est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter, une phrase que j'ai tendance à dire souvent ces temps-ci. On demande un minimum de 55$ pour avoir votre propre bouteille de 375 ml. On a quadruplé et plus. On est rendu à 109 961$ sur 25 000. Ça va super, super bien. C'est sûr que ça va avoir un excellent futur, surtout parce que sûrement que c'est meilleur pour la Terre que ce soit à base d'eau. Pour ceux qui font des road trips fréquemment, vous voulez peut-être dormir dans votre voiture. C'est bien fun de faire un voyage sur une longue distance, mais éventuellement, il faut dormir et les voitures sont pas très confortables. Donc, l'Inflatable Car Bed transforme la rangée d'en arrière de votre voiture en petite chambre d'hôtel pour une seule personne. C'est cool quand même, c'est compact lorsque plié. On peut garder ça dans la voiture quand on n'en a pas besoin. Et le lit, en fond, est fait de PVC de haute qualité avec une surface douce. Ça va être donc parfait pour dormir dans votre voiture. Évidemment, ce serait parfait pour un camion aussi, qui a peut-être plus de place en arrière pour peut-être en mettre deux de suite. Parce que ça, c'est vraiment juste pour une seule personne. Ça coûte 129$. C'est d'apparence velours un petit peu sur le dessus, mais ça ressemble à un matelas gonflable, tout ce qui est le plus traditionnel, puisque lui est facilement gonflable et dégonflable et prend moins de place. Pour ceux qui aiment tout ce qui est gazéifié, peut-être que vous aimez la liqueur, l'eau gazéifiée, des trucs comme ça, et vous voulez pouvoir créer votre propre boisson gazéifiée, vous avez déjà vu les trucs, les gadgets qu'on vend dans tous les magasins où on doit acheter une cruche de jus concentré pour faire de la liqueur, des trucs comme ça. Ici, ce gadget-là prend n'importe quel liquide et le rend pétillant. Hein? Donc, c'est le Pure Fizz Soda Maker, petit appareil qui va instantanément ajouter des bulles carbonisées à votre eau, jus, vin. Hein? Du vin, imaginez du vin gazéifié, comment ça serait bon. Cocktail et plus. Surtout le plus. Vous ajoutez votre liquide préféré dans cette bouteille d'acier inoxydable. Vous versez le capuchon carbonisant. Vous insérez une cartouche de CO2, vous brassez, vous servez. Encore plus cool, on peut ajouter des fruits, des épices, des herbes à la boisson. Et la pression du CO2 va augmenter la saveur et l'arôme et va l'envoyer directement dans la boisson. Donc ça fait assez pour assez de liquide pour 3 drinks moyens. Et ça va inclure aussi un capuchon qui n'est pas carbonisant, juste un capuchon normal pour mettre la bouteille directement au réfrigérateur. C'est pas fantastique. Le Pure Fizz Soda Maker, moi à date, je pense que c'est celui que j'achèterais le plus. Celui-là, en bref, c'est vraiment stupide. C'est le Tata Top. C'est un dessus de bikini, mais un haut de bikini, pardon, qui va vous permettre de montrer vos tétines, mais pas vraiment les vôtres. Vos mamelons, t'sais. Donc, c'est le Tata Top. C'est vraiment un haut de bikini avec dessus de dessiné de faux mamelons. Pour seulement 28$, une portion va aller à la fondation Linsage Cancer Research Foundation, donc une fondation de recherche contre le cancer. Donc, c'est pas juste une inutilité totale, une vraie niaiserie qui fait juste une bonne chronique à la radio. C'est aussi pour une bonne cause. On sait jamais quand on va trouver l'endroit parfait pour peut-être faire un pique-nique ou s'asseoir, tu sais, sous les étoiles. C'est pour ça qu'on a fabriqué la Matador Pocket Blanket. C'est une couverture portable de 55 par 44 pouces qui propose assez de place, fournit assez de place pour 4 personnes pour s'asseoir, sinon 2 personnes pour se coucher. Et c'est résistant à tout ce qui est roche, morceaux de bois, impossible de percer, en tout cas peut-être pas impossible, mais très difficile de percer cette couverture-là. Ça repousse l'eau pour la portion en dessous de la couverture. Il y a comme deux côtés, une couverture de petite, la plupart. Et le côté qui va vers le sol va repousser l'eau. Les coins ont des poids. Comme ça, s'ils ventent, la serviette va pas tout le temps se faire aller. Et il y a une pochette, si on veut, pour mettre des objets à l'intérieur en sécurité. Donc, pour vrai, t'as absolument tout ce qu'il te faut. Pour seulement 25$, c'est la Matador Pocket Blanket. Ensuite, dans le même genre, on parle encore de couverture, mais pour le lit cette fois-ci. Quand vous vous levez le matin, vous avez de la misère à... Moi, en tout cas, moi, c'est mon cas. Présentement, j'ai pas de base de lit. Le matelas est directement par terre. J'ai déménagé, etc. Et non pas le 1er juillet, le 1er mai. Ouais, je suis tellement en retard dans l'achat d'une base de lit. Bref, le couvre-lit est tout le temps en train de se défaire, premièrement. Et en plus, quand je mets mon drap, il est beaucoup trop grand. Et la couverture, la douillette, elle est juste parfaite. Fait que là, ben, j'ai tout le temps des draps qui dépassent à terre. C'est jamais le fun. Il me faut Smart Bedding pour que vous n'ayez plus jamais à faire votre lit de façon standard. Et vous n'aurez pas à payer si cher que ça non plus, c'est seulement 125$ pour l'ensemble. Donc c'est fait de coton à 100% et il y a un thread count, le nombre de fils, je sais pas quoi, d'affaires de filles que les gars s'en foutent, le 300 en général. Donc c'est un design intelligent qui utilise une série de connecteurs, de trucs qui se connectent, bref, pour que la douillette et le drap du dessus soient toujours alignés. Ils se snappent ensemble, si on veut. Donc, ça empêche, justement, les draps qui vont finir tout le temps au pied du lit. Moi, c'est mon cas. En ce moment, il fait tellement chaud que mes draps finissent à terre tout le temps. Donc, là, au moins, ça finirait à terre, mais tout en même temps. Et rattaché ensemble avec la douillette. Donc, ce serait facile de juste tirer sa douillette et refaire ton lit juste en tirant dessus. T'imagines, il est à terre, tu tires de la douillette et tout le lit est fait d'un coup sec. C'est magnifique, on s'entend. Et c'est pas mal mieux que juste remettre la douillette, comme je disais, la tirer et laisser les draps en dessous n'importe comment, comme j'ai déjà fait pendant un bout. Donc, 125$ pour Smart Bedding. Des casques de vélo, on devrait porter ça parce que c'est meilleur pour votre sécurité, c'est beaucoup mieux, ça va vous empêcher de peut-être avoir une commotion cérébrale dans certains cas. Donc ici, on nous dit les casques c'est laid, donc Dr. Cheryl Allen Munley a la réponse pour vous. C'est un casque de vélo qui ressemble à d'autres choses, et quand je dis que ça ressemble à d'autres choses, ça ressemble étrangement à vraiment autre chose, dans le sens que t'as pas l'impression que c'est un casque avec un chapeau par-dessus, c'est un chapeau. Hein? Un chapeau avec des fruits, un chapeau de petit matelot, un béret peut-être, oui, un chapeau de Rastaman, oui, un chapeau de soleil en campagne, oui, un chapeau de cowboy, oui, tout est là. Elle a réussi à faire ça et ça ressemble vraiment à un vrai chapeau et non pas à un casque. Je pense que j'ai assez vanté son produit pour que vous compreniez que c'est vrai ce que j'ai. Donc, Cheryl, Dr. Cheryl, aime beaucoup faire du vélo. C'est l'ancienne directrice des transports de la ville de Jersey, au New Jersey. Donc, elle a écrit même une dissertation sur la sécurité à vélo. Donc, elle connaît son matériel. Elle a pris ses connaissances pour créer Bandbox, une ligne très stylisée de casque pour vélo. Je pense que j'ai assez dit que ça avait l'air vrai. Très beau. Est-ce que c'est confortable? En fait, oui, nous dit-elle. Hein? Elle sait ce qu'elle fait. Elle a même tout pris en compte en créant Bandbox. Elle dit, je cite, « Le design est fait pour imiter la forme de la tête humaine. En fait, ma tête humaine, dit Alan Munley. » Le styromousse, d'habitude, les casques sont souvent faits en styromousse à l'intérieur. C'est pas super résistant à l'impact. Elle utilise de la mousse élastomérique ou élastomère, peut-être. C'est ce qu'elle utilise et c'est apparemment beaucoup plus sécuritaire. Donc, allez vous renseigner. C'est beaucoup trop beau pour être un casque. Moi, ça, je porterais ça. Je sais pas lequel là-dedans parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en fait, je suis pas un gars de chapeau en général. Je suis pas un gars de casquette. Je suis pas un gars de grand chose à la tête. En fait, je perds mes cheveux, donc je suis pas un gars de grand cheveux dorénavant. Peut-être que vous avez déjà remarqué ça. En fait, moi, j'ai jamais vu ça au Québec. Mais encore une fois, je sors pas bien. Donc, il y a plusieurs stationnements intérieurs qui vont utiliser des lumières pour vous dire si un stationnement est libre ou pas. Et ça va vous, la lumière va changer en temps réel, donc vous allez pouvoir savoir avant de vous rendre. Bon, ben, quand le stationnement est pris. Une compagnie nommée Touche Lights. Si vous savez ce que ça veut dire, touche, peut-être que c'est un indice pour vous, quelques phrases à l'avance, voudrait installer le même système dans des salles de bain publiques. Donc, le produit éponyme Touche Light fonctionnerait exactement comme les lumières de stationnement. Elle serait une lumière rouge LED qui s'allumerait quand la toilette est occupée et une lumière verte quand la toilette est libre. Hein? Donc, Touche Light va fonctionner avec une application mobile qui va être faite pour les endroits spécifiques. Par exemple, vous êtes dans un stade, vous voulez aller à la salle de bain, vous allez pouvoir utiliser la Touche Light, l'application, pour savoir où est la salle de bain la plus proche et aussi pour savoir combien de toilettes sont disponibles dans cette salle de bain-là. Touche Light va faire une version de l'application pour les gestionnaires, les administrateurs, qui vont pouvoir révéler plus d'informations sur la condition de leur salle de bain, à savoir si il faut aller faire le lavage, le nettoyage, etc. Donc, Touche Light, le site web est sur touchelights.com. Tantôt j'ai dit que j'avais un article déjà à acheter et j'en ai un deuxième ici. C'est des dioramas. Vous connaissez peut-être les dioramas de différentes marques, différents produits. C'est des figurines en 3D avec des objets qui vont avec pour créer un paysage, pour créer un environnement. Il y a des nouveaux dioramas de Super Mario Brothers. Hein? Il y en a déjà qui ont été faits dans le passé en papier, imprimés en 3D. Mais maintenant, vous allez pouvoir fabriquer vos propres tableaux de Super Mario avec la compagnie Bandai et leur SH Figuarts Super Mario Action Figure and Diorama Playsets. Hein? Donc, si vous n'êtes pas encore familier avec SH Figuarts, c'est une ligne de petites figurines. On appelle ça des Action Figures en anglais. Pour ne pas dire des petites figurines, mais ça fait un petit peu plus genre « Ah, oh, moi, je suis un vrai gars viril, je joue avec des action figures! Action figures! » Donc, c'est fait pour imiter les mouvements du corps humain. C'est ça leur idée à cette compagnie-là. Donc, la version Super Mario vient avec, en trois ensembles séparés. Le premier, c'est le Mario Action Figure, donc la figurine de Mario, qui fait 4 pouces de haut, qui vient avec une pièce de monnaie, un bloc de point d'interrogation et un super champignon. Ensuite, t'as un deuxième ensemble qui est encore plus exhaustif, qui vient avec, donc c'est le playset A, ça vient avec une autre pièce de monnaie, un autre point d'interrogation, deux blocs briques normales, un Goomba et un stand, un petit rack pour mettre Mario et la pièce de monnaie. Le playset B, c'est un autre Goomba, une troisième pièce de monnaie, deux tuyaux, une coquille de Koopa, une paire de mains ouvertes pour Mario, que tu puisses changer ses mains, et un autre bout transparent pour connecter et faire des pauses de tout ça. Allez voir la vidéo, c'est super, super, super, super cool. Comme 1000 fois les figurines que j'ai à la maison, et j'ai des tonnes de figurines de Mario, là, j'en ai vraiment beaucoup. Pas autant qu'un collectionneur, mais quand même. Et ceux-là, je les veux. Donc, allez sur Amazon pour commander ces SH Figuarts. Figart, sûrement, Super Mario Figure in Diorama Playsets pour 24$ pour le premier bundle. Après ça, les playsets coûtent 20$ chaque. En dollars américains, bien sûr. Pour la plupart des gens, le matin serait pas complet sans une tasse de café. Hein? Et c'est pas tout le monde qui a le temps de se faire infuser du café, de moudre son café. Et les cafés instantanés, on s'entend que c'est pas super bon. À part, et j'ai découvert il y a quelques mois, les petits tuyaux, les petits genres de tubes de Starbucks, pour ne pas les nommer. Ça, c'est pareil comme un café chez Starbucks. Et c'est super cher, mais c'est super bon. Pour vrai, essayez-le. Les petits cafés Via de Starbucks. Bref, on arrête d'en parler, c'est pas de la pub que je fais ici. C'est le même genre de principe, mais à la place d'être dans un tube, c'est des petits cubes. C'est les J-I-V-A, Coffee Cubes. Okay? Donc, c'est comme des cubes de sucre, sauf qu'à la place d'être du sucre, c'est fait de café. Hein? Chaque cube est fait en compactant du café colombien de haute qualité dans un cube et ensuite en attachant tout ça avec du sucre cru. Donc, c'est ce qui fait que ça tient ensemble. J-I-V-A a lancé une campagne qui a réussi à ramasser son argent il y a environ une semaine avec une nouvelle saveur dans leur ligne qui est le Jiva Black et qui utilise très peu le sucre comme binder donc, pour le faire prendre ensemble. Donc, ça reste tout naturel sans le goût de sucre ajouté que certains n'aiment pas dans leur café. Si vous avez manqué la campagne, c'est pas grave, vous pouvez acheter des cubes de café sur leur site web. Très simple, sur jivacubes.com. Allez-y, maintenant. Ensuite, dans la piscine, des fois, on veut rester debout. Rester debout dans la piscine, c'est bien le fun, mais si t'es dans du profond, c'est difficile de rester debout parce qu'il faut le temps que tu patauges. Il y a une planche qui se vend maintenant. Une planche qui supporte jusqu'à 300 livres. C'est le Lazy Buns, fait pour les paresseux, Water Float for Adults. Quand même assez simple. C'est une genre de je sais pas comment, appeler ça. On dirait une pelle, presque. Mais aplati. On dirait une coupe de vin aplati. Ouais, c'est ça. Donc, il y a de la place pour mettre ses cuisses et tenir debout. Super simple. Donc, tu mets ça à plat, tu te mets debout dessus. C'est pas approuvé par les lifeguards ou rien. C'est pas fait pour se sauver la vie. C'est fait pour rester debout dans la piscine en toute tranquillité. Tu peux avoir 4 couleurs pour 40$ chaque. Ça a l'air un petit peu dispendieux pour ce que c'est. Et le shipping coûte 14$. Bref, ça va vous coûter cher sur lazybuns.com, lazybuns.com. Développer votre propre papier de toilette, c'est parfait pour ceux qui aimeraient en fait personnaliser ce qui va directement sur leurs fesses. Hein? Donc, c'est le Developing Your Decor Photo Toilet Tissue Paper pour les amateurs de photographie instantanée. Chaque carré a une image vintage imprimée dessus, un peu comme les photos qu'on aurait prises dans un Polaroid ou n'importe quelle autre caméra comme ça. C'est pas votre propre photo. Je pense que ce que j'ai dit un petit peu avant est un petit peu confus. En fait, je pense que c'est moi qui est un petit peu confus par le produit. Mais ça, c'est des photos qu'il y a dessus, rétro, sur votre papier de toilette. C'est OK. Si ça avait été mes photos, peut-être. Developing Your Decor Photo Toilet Tissue Paper se vend pour 6$ par rouleau. Juste pour être sûr, non, c'est vraiment des photos qui viennent avec. Eh bien. Un étui pour iPhone maintenant avec un popsicle attaché à l'arrière. Hein? C'est pas un vrai popsicle, c'est pas de la vraie crème glacée, c'est pas un vrai sandwich de crème glacée sur ce iPhone. C'est un étui. Le Ice Pop Case ressemble à quelque chose de... Ben, en fait, ça, c'est très, très réaliste. En effet, quand j'ai regardé la photo la première fois, je pensais que c'était peut-être un vrai qui avait mis dessus. C'est vrai. Avec même une bouchée prise sur le côté pour pouvoir laisser de la place pour le trou de la caméra de votre iPhone 5 ou iPhone 5S. Impressionnant, mais complètement inutile. Donc voilà. C'est japonais, bien sûr. Ensuite, une montre pour les amateurs de la FIFA. Tantôt, on a fait tirer une paire de billets pour la Coupe du monde de la FIFA sur écran géant à l'Oriflamme Resto Bar Sportif jusqu'au 13 juillet avec buffet sportif 18,95 à volonté avec aile de poulet, côte levée et pizza. Non-stop à volonté, man. Pour vrai, c'est fort. Mais bon, ici, on revient au football. Donc, la fièvre du football est un petit peu partout en ce moment dans le monde. Des millions de gens ont leurs yeux collés sur leur écran de télévision à chaque fois qu'il y a un match. Cette montre-là, la Hot Black, a trois plus petites montres à l'intérieur de sa montre principale. Sur le devant de la montre, il y a trois autres petites horloges. Ouais. Les deux d'en haut vont vous donner le score en direct du match qui est en train d'être joué. Donc celui d'en haut, c'est l'équipe que tu veux. Dans le fond, l'équipe pour laquelle tu es fan, finalement. Et la deuxième, c'est leur opposante. Et en dessous, c'est le temps qui reste avant que le match soit terminé. Donc, c'est une montre analogue avec des capacités, des fonctionnalités intelligentes directement à l'intérieur du design. C'est pour l'ultime fan de soccer. C'est la Hot Black qui se connecte via iOS ou Android pour accéder au serveur de Sports Data Server. Donc, vous allez avoir besoin d'une connexion à Internet pour que ça fonctionne. La montre est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter où on demande un minimum de 690$, 400 livres. Je comprends pas comment ça qu'ils ont pas fait ça avant que la Coupe du Monde commence. Parce qu'on sentait que là, ça sert plus à grand chose de faire ça. Si le Kickstarter finit en octobre, ou tu sais. En tout cas. Mais bon, l'idée est vraiment super bonne pour les fans d'un sport très spécifique. En tout cas, je sais pas si ça se personnalise pour d'autres sports. J'espère vraiment pour eux. D'après moi, oui. Je pense qu'ils ont dû penser à ça. Pour les amateurs de décors intérieurs, de décors de maison, le Triangle Hanger est fait pour ceux qui se soucient vraiment de l'esthétique de leur cintre à linge, de leur support, si on veut. Donc, c'est inspiré par l'instrument de musique, le triangle, bien sûr. C'est un triangle d'aluminium en forme de triangle avec les coins ronds, hein, on s'entend. Et en haut, un petit peu à gauche du support, donc en haut, près de la pointe du haut, mais un petit peu à gauche de ça, il y a un trou, une fente. Ça me fait penser aux anneaux de magiciens, tu sais, qui peuvent faire des tours avec ça. Donc, c'est là que tu insères ton linge, tes vêtements par la petite ouverture. Tu insères ta robe ou peu importe. Désavantage, il faut remplacer votre collection complète de supports pour que ce soit beau, hein? Et on les vend 35$ pour la couleur argent et 38$ pour les peindre en noir. C'est via oldtothings.com. Ça ne dit pas pour combien de cintres. À partir de 35$, ouais, 35$ par cintre. Par cintre, j'aurais jamais pensé. J'aurais espéré au moins deux, sinon trois. Nos livres sont rendus souvent numériques, mais qu'ils soient papier ou numérique, il n'y en a aucun des deux qui se mélange bien avec de l'eau. Hein? Donc, les nouveaux Ubumi du Japon résoudent ce problème-là en permettant de lire votre livre de papier ou votre livre numérique, j'imagine que ça pourrait marcher aussi, lorsque vous êtes dans le bain. Lorsque vous êtes peu importe ce que vous faites près de l'eau, vous avez qu'à insérer votre livre dans ce sac qui est rempli d'air et qui flotte, et vous utilisez des fentes faites exprès en dessous de l'appareil pour insérer vos doigts et tourner les pages. Donc, dans le fond, d'après moi, ça va marcher seulement avec le papier parce que je pense pas que le tactile fonctionne à travers ces petits morceaux de plastique-là. Mais bon, donc, vous tournez la page avec votre doigt qui est à l'intérieur d'une fente de plastique, un peu comme un gant de médecin, tu sais, genre, là... Comme... Mais bon. Une solution unique à un problème qui existe depuis toujours. Parlant de dégâts, les enfants font des dégâts avec votre tablette. Les enfants aiment utiliser les tablettes. Je pense qu'ils savent... Je sais pas, j'allais dire qu'ils savent utiliser des tablettes avant de faire d'autres choses, mais je saurais pas quoi insérer comme deuxième affaire qu'ils sauraient pas faire. Peu importe. Donc, jus, craquelin ou n'importe quoi, tout ça fait des dégâts. Avec le Kid Lid, c'est un couvercle pour votre clavier, la partie clavier de votre laptop ou de votre... ça peut être une tablette, ça peut être un laptop, là, peu importe. Donc, vos enfants vont pouvoir regarder leur émission télé préférée, peut-être, ou jouer sur Internet sans mettre de choses dans le clavier. Donc, le Kid Lid Board est disponible en modèle de 13 ou de 15 pouces pour la plupart des laptops. C'est sans BPA, avec une bande élastique pour l'attacher à votre clavier. Ça, comme je disais, ça peut être un iPad dans son truc, dans son étui, et ensuite tu mets ça par-dessus. Tout fonctionne, donc c'est parfait. Allez voir ça. C'est le Kid Lid Fold-Up Board, donc qui est similaire au cover d'iPad qu'on connaît déjà, qui se plie en triangle, si on veut. Donc, une penture, si on veut, au centre qui permet d'accéder au trackpad tout en laissant les touches protégées. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans le fond, vous pouvez lever un petit côté du panneau pour aller sur le trackpad, puis ensuite fermer le panneau, puis le clavier est protégé. 30$ cet automne quand ça va être disponible. On retourne dans le rétro un petit peu. C'est toujours amusant de taper sur une dactylo. Même si c'est bien le fun de taper en silence sur un clavier moderne, moi, Caroline, ça me manque le dactylo puis vraiment le tactile de taper sur les touches. Donc, on essaie d'imiter ça avec le Qwerty Writer, qui est la fonctionnalité mécanique avec la compatibilité moderne. Donc, c'est inspiré par une dactylo à 84 touches mécanique. Ça simule l'effet tactile. Donc, vraiment d'une machine à écrire vintage, et ça se branche dans votre ordinateur, votre tablette via USB et potentiellement Bluetooth si on se rend sur Kickstarter à un but précis. Super compact, avec un stand intégré pour mettre une tablette jusqu'à 5/8 de pouce d'épais. Et donc, c'est beaucoup plus beau esthétiquement que la plupart des claviers contemporains. Sur Kickstarter, en ce moment, pour 289$, le Qwerty Writer. Ça, c'est vraiment simple. Une table à pique-nique portable, c'est de la Roll-Up Picnic Table, qui est une table parfaite pour vos aventures sur la route. C'est une table donc de pique-nique résistante à la température. La surface d'en haut du dessus, ce qui sert de table, se roule et se met avec les pattes détachables dans un petit sac qui vient avec, parfait pour les pique-niques, la plage, le camping ou n'importe où ailleurs. Celui-là, c'est Stéphanie qui l'aurait aimé. C'est des papiers, si on veut, pour faire des cupcakes ou des muffins, sauf que les papiers en tant que tels sont mangeables. C'est par la compagnie Dr. Oetker. Donc, je sais pas s'il y a grand détail à dire de plus que ça, mais c'est vraiment des moules, des enveloppes à muffins et à cupcakes qu'on peut manger directement. C'est sans gluten. Donc, vous allez, pour les gens qui ont des problèmes avec ça, c'est 4$ pour 6 de ces emballages pour bien manger au complet votre gâteau. Celui-là aussi, c'est vraiment cool. C'est comment faire vos propres popsicles. Tu sais, les popsicles qui sont faits sur le long, les vrais, les Mr. Freeze, si on veut, qui sont disponibles un petit peu partout, qui sont super chers quand même. En fait, super chers. Cher pour ce que c'est, de l'eau sucrée. Disons que si t'en manges beaucoup, ça monte vite. Vous aimeriez peut-être les faire vous-même. Peut-être que c'est ça. Vous voulez peut-être qu'ils soient un petit peu plus santé, quelque chose comme ça. Donc, ça s'appelle les Utter Pops. Avec des... non, c'est pas ça. Utter Pops, c'est une autre sorte de popsicle. Non, c'est les Zip Cycle Pouches. Vous allez pouvoir servir ces pops-là faits d'ingrédients naturels avec moins d'ingrédients artificiels. Il y a une variété de recettes sur le site de Zipsicle pour pouvoir contrôler le sucre que vos enfants prennent et aussi peut-être les allergènes. Vous pouvez changer de recette une fois de temps en temps pour varier la chose. Et ensuite, vous versez ça dans le Zipsicle bag pour les congeler. Et donc, c'est ça, il y a un petit zipper solide, renforcé, qui disent ils sont sans BPA. Il n'y a pas rien de mauvais là-dedans, d'après moi. Donc, c'est bien un emballage de 12 sacs, chacun de 12 de 2,5 onces. Il y a aussi une petite portion d'étiquette où on peut écrire dessus pour pouvoir identifier la saveur du popsicle. Et aussi, c'est très important si vous voulez faire une version pour les enfants, une version pour les adultes, peut-être avec un petit peu d'alcool dedans. En fait, je ne sais pas si ça pourrait geler avec de l'alcool dedans. Bonne question, je ne sais pas. J'aurais aimé ça pouvoir demander à quelqu'un, mais j'ai personne. Un emballage de 12 zipsicle pour 2,99$. Pas cher, 3$ pour 12. Ça vaut la peine. Pour ceux qui sont mariés, qui portent un jonc, une bague de mariage, peu importe, des fois, peut-être que votre vie vous amène à faire des choses un petit peu plus actives. Peut-être que vous êtes dans le domaine de la construction, peut-être que vous jouez à des sports et vous avez peur de briser votre jonc ou de le perdre. Ça pourrait arriver, peut-être que vous travaillez dans une usine, vous êtes pompier, peu importe. Il va vous falloir peut-être une Kalo. C'est donc un jonc de mariage, Kalo, Q-A-L-O, Q-A-L-O, c'est prononcé Kalo, Kalo, pas Kalo, Kalo. Qui veut dire Quality Athletics Love Outdoors, donc qualité, athlétisme, amour et extérieur. C'est fait de silicone médical, donc c'est confortable et durable. Ça résiste à pas mal tout ce qui est égratignure. C'est résistant à l'eau aussi. La version pour femme coûte 16$, disponible en 3 couleurs, dont vert, émeraude et 5 grandeurs. La version pour homme coûte 20$, un petit peu plus cher, disponible en 4 couleurs, dont noir. Et 5 grandeurs. Aussi disponible en paquet de 3 si vous voulez varier un petit peu de la même grandeur, évidemment. Vous allez pouvoir visiter gallowrings.com. Non, Callowrings, excuse-moi. Là-bas, la ligne en dessous du lien avait l'air d'un jeu. Callowrings.com pour plus d'informations. Il nous en reste deux derniers. L'aroma fork pour commencer. Peut-être que vous saviez que votre sens de l'odorat joue un énorme rôle dans le goût de votre nourriture, mais peut-être que vous ne saviez pas qu'une fourchette qui vous permet de jouer un petit peu avec vos sens sans changer ce qui va rentrer dans votre bouche. C'est l'Aroma Fork qui a une fente pour mettre un papier qu'on appelle un blotter paper qui entre dans la poignée et ça vous permet de mettre des essences de 21 arômes différents. Ça peut être classé dans différentes catégories, par exemple fruits, herbes, noix, épices, umami. Ça, c'est des trucs japonais, je crois, umami. Bref, vous allez pouvoir faire des expériences entre la relation entre votre nez et votre bouche. Donc, peut-être que vous mangez, du thaïlandais, peut-être, comme nourriture, et vous mettez une feuille de, je sais pas, qui pourrait sentir les tomates. Je sais dessus. Je dis n'importe quoi. J'ai aucune imagination. 60$ pour l'Aroma Fork. Et finalement, on reste dans la cuisine pour les Ranch Rare... Ranch Rare 3-Piece Tool Cutlery Set. Donc, c'est un ensemble de fourchettes, cuillères et couteaux. Mais à l'autre extrémité du couteau, de la fourchette et de la cuillère, vous avez une wrench, une clé Allen, je sais-tu, une pince, n'importe quoi. La pince, je crois pas qu'elle soit utilisable, mais les autres clés ont l'air assez utilisables. Je sais pas encore. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. C'est disponible sur Amazon en ce moment pour 25$ pour l'ensemble. Voilà. Et on montre sur l'image un tape à mesurer, du WD-40 puis des vis. Hein, le cliché de l'homme

les lundis entre midi et 14h. En rappel, les mercredis à 17h, il y a trois nouvelles émissions du Mathieu Plante Show. Les trois prochaines semaines, donc la semaine du 7, du 14 et du 21, vont être les nouvelles émissions musicales du Mathieu Plante Show. C'est les seules nouvelles choses qu'il y a, c'est préenregistré. Donc, allez voir assemblagerequis.com, il va avoir l'horaire complet des rediffusions du mois de juillet là-dessus. On va de retour en direct à partir du début du mois d'août, donc la première semaine du mois d'août. On va être là avec de nouvelles émissions. Entre autres, la bouffe de la semaine va être de retour. Il y a un paquet de trucs comme ça. C'est ça. Prenez soin de vous pendant le mois de juillet. Je vais faire la même chose. Je vais essayer de ne pas penser à rien pendant tout. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On va se quitter avec une très bonne chanson de Fanny Bloom, qui est du côté francophone. Sa chanson Piscine, je pense que c'est approprié en ce moment. Et bon été! Désolée, je suis désolée.